17h à Montréal, en direct de la brasserie Elm sur la rue Bernard. J'ai le bonheur, ce soir, d'être entouré de Fred Savard. Bonsoir. Olivier Niquet. Allô. Jean-Sébastien Girard. Ah, mon bon Jean-Philippe. Et de notre fabuleux public qui trouve que la soirée... Bonsoir tout le monde, on est tellement heureux de vous accueillir pour une deuxième semaine. Oui. La soirée est encore jeune, en plein samedi. J'allais dire que j'avais passé une très belle semaine, mais je viens d'entendre le topo sur le faux argent américain qui circule à Sherbrooke. Ben, je suis sous le choc, moi. Qu'est-ce que je vais faire de tous ces 50 $? Je ne sais pas. Moi qui comptais aller à Sherbrooke dépenser mon argent américain. Toujours est-il que moi, j'ai vraiment passé une très belle semaine. Ah, c'est vrai? Je sais pas si... Ben oui, voyons donc. Ça se peut. Non, mais j'ai une belle vie. Et vendredi soir, j'étais à Belle et Bombe pour chanter une chanson. Je sais pas si vous avez regardé, les garçons. Non, voyons. On avait une émission préparée aujourd'hui. Ouais, ah, d'accord. Ça. En tout cas, pour ceux qui l'ont regardé, j'étais très bon en train de chanter du Renaud. Donc ça a été ma semaine, en gros. Mais là, je me demandais, Olivier, votre semaine, vous avez l'air préoccupé. Non, pas du tout. En fait, c'est votre phase de tous les jours. Ben oui. Ben moi, j'ai été piqué au vif par la médisance de Jean-Sébastien et Fred sur la génération Y la semaine passée, là, même si je ne suis pas vraiment Y parce que je date de 1979. Là. C'est Y79. Ouais. Non. Ouais. 80. Ouais. 80. C'est un XY, je pense. Ouf. En tout cas, c'est pas vrai qu'on s'intéresse pas aux vieux films plates, nous, là. Même que quand j'étais au cégep, je tripais bien raide sur les vieux films comme Les Chabotés de Claude Fournier. Ça, c'est vraiment ça. Ma gang d'amis, là, c'était... Qui connaît Les Chabotés, ici? C'est très bon, avec Donald Pilon, ben Donald oui. Lautrec, ben ouais. Des phrases savoureuses comme « Tu le sais que j'ai des gros sentiments pour toi. Sans ça, je te ferais pas l'amour. » Ouais, mais ça, c'est plus drôle avec ça. Vous aimiez ça avec ironie. C'est ça, le problème. Pas juste, non. Vous aimez ça en hipster? C'est ça. Non, c'était comme... Vous ridiculisez ce passé. C'est l'image d'une belle époque, là, non? Oui. En tout cas, là, j'ai moins de temps pour écouter des vieux films comme ça parce que je suis trop souvent sur Twitter. mais suite au conseil de mes deux collègues, j'ai vu le film Les Ploufs de Gilles Carle. Bon. Je me suis rendu compte que je l'avais déjà vu à moitié, ce qui est quand même pas pire parce que ça dure 3h20. Ça, c'est long, hein, 3h20. Oui. Mais j'ai bien aimé ça. C'est un film à grand déploiement, quand même. L'histoire d'une famille québécoise en 1938. C'est un peu comme les parents. On n'a pas... c'est pas un moment où pour remplir du temps. Là. C'est pas très grave de, qu'on ne sache pas c'est quoi le scénario complet. On dirait qu'il lit le TV Hebdo. Ben oui, on dirait qu'il lit le TV Hebdo. C'est coté combien? C'est coté 3 parmi les affaires. Trois, pour vrai? 3, quand même, ouais. Non, mais c'est quand même bon. C'est avec Pierre Curzi, là, avant qu'il débatte avec Mario Dumont. Puis c'est fun, non? Ben oui, non, mais je comprends. Je vais l'écouter aussi. Mais vous irez le louer. En DVD, c'est moins long, c'est 2h49. Ah, merci. Sur l'éléphant, 3h21. Jean-Sébastien? Oui, ben moi, absolument. Vous savez, c'est... Absolument. J'ai été déstabilisé, je pensais que c'était à moi. Vous savez, Jean-Philippe, c'était la rentrée scolaire cette semaine. Oui. Ouais. Et bon, ben évidemment, moi, j'ai pas la chance d'avoir de petits loups ou de petites cocottes à la maison. Donc, j'ai été obligé de vivre ça un petit peu par retruchement des médias sociaux. Hein? C'est-à-dire? Alors, ben de voir les photos de vos petites puces à la cour d'école. Il y en avait plein. Hein? Oui. On les voyait dans la cour d'école avec leur sac à lunch, leur premier réveil, leur première journée. Je trouvais ça tellement émouvant. Là. Pour vrai, je trouvais ça super mignon. Je me disais, encore plus des photos de vos petits bouts de chou. J'en voulais, j'en redemandais beaucoup. Je trouvais ça super le fun. Et une qui a été très généreuse sur le plan de la rentrée scolaire sur Facebook, c'est l'animatrice Julie Snyder. Oui. Bon, elle a posté des trucs à peu près aux 10 minutes concernant la rentrée scolaire. Il y a probablement une publication que vous avez vue parce qu'elle a été relayée à plusieurs reprises durant la semaine. Uh-huh. Et c'est son truc pour récupérer des effaces usagées de l'année précédente. Est-ce que vous avez vu ça? Non, ben oui, moi je l'ai vu, mais en même temps, il y a des gens qui n'ont pas... Non, est-ce que vous l'avez vu? Elle récupère ses effaces. Non, la plupart des gens ne l'ont pas vu. Donc, alors, écoutez, comme on est une émission de service, hein, vous plaisez souvent de le répéter, Fred, je vais relayer cette information-là. Alors, je vous ai apporté ici un couteau de cuisine, Jean-Philippe, et une efface. Et je vais vous lire le statut de Julie Snyder qui va comme suit. Alors, je coupe l'efface, là? Ben, attendez. Okay. Ça dit, on coupe la saleté de la vieille efface avec un couteau de cuisine. Okay. On retire les tranches sales de l'année précédente. Et hop, une nouvelle efface blanche. Bon dodo maintenant, les beautés, j'ai mal au ventre, c'est la veille de la rentrée. Et Julie, donc, elle a posé à 3 reprises les morceaux des faces qui restaient, etc., etc. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé ça. On parle de 578 j'aime. Et il y a autre chose aussi de très intéressant, c'est que le lendemain, Julie, hein, qu'on appellera notre démon blonde, hein, c'est comme ça que j'aime bien l'appeler, Julie, elle a poursuivi avec une publication qui va comme suit. Mm-hmm. Bon, je poursuis maintenant ma course fourniture scolaire. Pour la rentrée des classes cette année, pourquoi ne pas favoriser les cahiers Québec au lieu des cahiers Canada? Bon, on peut trouver que c'est anecdotique, mais ce qui est intéressant, c'est que ça a été le point de départ à une conversation entre les fans de Julie Snyder, une conversation, un débat de société vraiment intéressant que moi, j'aurais pas pu soupçonner. Ça a été une semaine de 8 jours pour vous, à ce moment-là. Écoutez, je vous ai donc relayé trois petits messages qui ont été échangés à ce propos-là de la part des fans de Julie Snyder. Je vous en prie, faites vite. Et je n'ai rien inventé. Il y a Clara qui dit « Heureusement que Julie est là pour nous dire quoi acheter. On a l'impression qu'elle pense qu'elle est la seule qui connaît tout. » Ça, ça n'a pas fait plaisir à Francine qui a dit « Bon, Madame Clara est frufru ce matin. Si tu n'aimes pas les comments de Julie, flush son profil. Le respect, c'est pour tout le monde. » Et toujours un vrai commentaire, il y a Danny Green Lacerte qui a commenté avec ceci « Propagande péquiste au max. » Ça paraît que ton chum est rendu au PQ. Ça fait dur en crise. On se créerait en Corée du Nord. Donc, et j'en invente rien. Ce sont de réels commentaires. C'est vrai qu'au PQ, ils ont envie de recycler les vieilles effaces pour effacer plein de choses. Wow. Donc, évidemment, si vous voulez participer, prendre part à ce débat-là, vous allez sur Julie Snyder-page officielle. Il y a toutes sortes de choses. Et évidemment, je veux avoir une pensée toute particulière pour toutes les petites princesses et les petits lapins qui sont retournés à l'école cette semaine. Merci, Jean-Sébastien. Merci. Mon Dieu. Les gens applaudissent. Les gens même. On ne sait plus c'est quoi la qualité. J'espère que vous n'avez pas fait grand-chose, Fred, parce qu'il vous reste très peu de temps. J'ai pas fait grand-chose, non, mais c'est moins excitant que Jean-Sébastien. Moi, j'ai fait une pause éthylique cette semaine. J'ai décidé d'arrêter de boire. Et mon Dieu. C'est pas que j'avais des problèmes d'alcool, mais des fois, c'est bien de faire une cure. Non, mais de faire une cure. Vous savez, l'alcool est une espèce de lien social accepté, même magnifié. Mm-hmm. Et j'ai décidé de ne plus jouer le grand jeu des distillateurs. Et de prendre une petite pause pour expurger mon organisme, puisque, et là, je veux pas m'auto-promotionner. Mais c'est un peu ce que vous mais faites. Mais je vais courir le 10 km du marathon de Montréal dans un mois. Je trouvais ça intéressant d'être en forme. Je veux pas vous acheter avec mes histoires de jogging, parce que je commencerai à sonner comme un chroniqueur de la presse, et c'est pas ça qu'on veut. Franchement, c'est chose qu'on veut, c'est ça, cette émission-là. Bon. Merci beaucoup, Fren. Quelle semaine palpitante. Ah oui. Non, applaudissez pas. Non, franchement. On reçoit... buvez, n'hésitez pas, on est au M quand même. Eh bien, au menu de l'émission ce soir, on reçoit la si gentille Christine Brouillette. On est tellement content de la recevoir. Tout le monde l'aime. Je sais. Ouais. On va recevoir également Michel Desautels. Tout le monde l'aime aussi. Hein? Aussi. Oui. Je connais deux, trois. Enfin. Oui. Et on reçoit également René-Daniel Dubois dans la deuxième heure. Je pense que. Oh, oui, ça va finir rock'n'roll, cette émission-là. Très hâte à ce beau moment de radio. Paraît qu'il est très difficile d'interviewer. Oui. Hein? Sinon, au menu, on a revu ou pas quoi cette semaine, les garçons? Un documentaire qui s'appelle 281. Les dieux de la scène. En fait, c'est une série de documentaires sur les Go-Go Boys du 281. Alors, Olivier et moi avons vu ou pas cette série de documentaires-là. On va vous en parler un peu plus tard. Qui ne l'a pas vu? Le concept et le public va le deviner donc un peu plus tard. Ben merci. Mais ça, c'est en deuxième heure. Mais en attendant, on va aller rejoindre notre salle de nouvelles portative. Il est long, ce thème-là. C'est plus long que le TJ 22h. Alors, Frédéric, on apprend ce matin que les hauts dirigeants de la Société de transport de Montréal ont reçu de généreuses augmentations de salaire cette année. Oui, malgré un taux d'inflation de 0,7%, les hauts gradés de la STM ont reçu des augmentations de 3,9% cette année et de 6% l'an dernier. Mmh. On doit donc admettre que les généreuses hausses de salaire des cadres de la STM sont les seules choses qui ne sont pas en panne à la STM. Oh, bien dit. Le ministre québécois de la Santé, Gaétan Barrette, en a ras-le-bol de la culture de l'intimidation. Oui, le ministre Barrette va en finir avec l'intimidation qui sévit particulièrement sur les réseaux sociaux. À un journaliste de la presse, il affirmait ne pas être atteint par tout ce qui se dit à son sujet, ce qui peut paraître étonnant. Le ministre Barrette indique qu'il est bien placé pour comprendre l'intimidation, étant donné, et je cite, « toutes les énormités qui sont dites à mon sujet ». Finalement, le docteur Barrette s'intimide lui-même, ce qui démontre toute l'ampleur du problème. Toujours dans le domaine du problème, la police de Montréal aimerait avoir plus d'outils pour faire face aux troubles psychiatriques dans l'exercice de ses fonctions. Oui, selon la direction des services policiers, les agents devraient pouvoir compter sur davantage d'outils pour développer une meilleure approche quand vient le temps d'interagir avec des gens en détresse mentale, que ce soit des fugueurs, des itinérants ou des policiers qui bûchent sauvagement des manifestants. Ah là là, quelle nouvelle! Sinon, le premier ministre Harper a conclu avec succès son périple dans le pôle Nord. Oui, le premier ministre a réitéré lors de cette tournée les aspirations du Canada afin de dominer cette région du monde. Cette mission, commandée personnellement par le premier ministre, vise à démontrer scientifiquement que le sommet du globe est canadien. Fait cocasse, c'est la première fois que M. Harper donne du crédit à la science depuis qu'il est en poste à Ottawa. Oh, commentaire éditorial. Oui. Autre moment inusité, Frédéric, une fillette de 9 ans a abattu son instructeur de tir en Arizona. Oui, alors qu'elle manipulait un pistolet mitrailleur Uzi, elle aurait perdu le contrôle de l'arme et atteint son instructeur mortellement. Un porte-parole de la NRA aurait affirmé que les instructeurs de tir devraient avoir de meilleurs réflexes quand ils enseignent le maniement des armes à des enfants dont le système moteur n'est pas complètement développé. Ah oui, un point pour eux là-dessus. Oui. Eh bien, Fred, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Un sujet dont on n'a pas fini d'entendre parler, Frédéric. Merci! Olivier, vous rappelez-nous l'Internet, là? Oui, rappelez-nous l'Internet. Ben non, mais c'est parce qu'il y a tellement d'adresses dans cette question. Ben oui, vous pouvez vous rendre sur notre site radio-canada.ca/la soirée où vous trouverez un formulaire pour assister à l'émission en direct de la microbrasserie Elm au 273 Bernard West à Montréal. Vous trouverez aussi un lien pour la balado-diffusion. Vous pourrez réécouter l'émission ou des segments de l'émission grâce à l'audiophile, une technologie qui nous a fait défaut la semaine passée, mais ça devrait être OK cette semaine. On est aussi sur twitter.com/la soirée, facebook.com/la soirée est encore jeune et les gens peuvent nous rejoindre par courriel à lasoirée@radio-canada.ca et n'hésitez pas à nous faire des commentaires, nous poser des questions ou envoyer des questions pour les invités. Jean-Sébastien va les poser pour vrai. On a changé ça cette semaine. Mais c'était juste désagréable. Non, mais c'est ça. On n'aime pas ce que je fais. Mais non. Les vraies questions pour Christine Brouillette et René-Daniel Dubois, je vais les poser à la fin de chaque heure. Voilà. D'accord. Et la question du jour maintenant, en passant, je mets la question du jour plus tôt dans la journée sur notre page Facebook. Alors, si vous voulez y répondre d'avance, vous ne vous gênez pas. On a entendu aujourd'hui que le Parti libéral du Canada de Justin Trudeau évoque la possibilité de rendre le vote obligatoire aux élections fédérales s'il est élu en 2015. Mais la question est la suivante. Êtes-vous d'accord pour que tout le monde, même votre voisin homophobe qui tripe sur le motocross, soit obligé de voter? Et en passant, c'est une question à réponse obligatoire. Qui n'est pas biaisée du tout. Non, c'est ce qui est bien. Absolument pas. Ben oui, vous allez répondre à ça sur Twitter ou sur Facebook. Également, il va y avoir la circulation dans quelques temps. Oui. Fred s'occupe de la circulation maintenant. Alors, si vous voyez des voitures passer devant chez vous, n'hésitez pas à nous écrire. On fera la circulation. Ben, c'est qu'on n'a pas le temps de regarder toutes les caméras de Transport Québec et Canada. Alors, envoyez-nous ça. Si vous êtes sur la route et que ça ne roule pas bien, écrivez-nous. Si ça roule bien, ben continuez. Écrivez-nous quand même. Oui, mais on ne vous passera pas en nombre, franchement. On ne va pas commencer à dire partout où ça roule bien. Mais d'un coup, Fred, non, c'est intéressant, on sait pas. Ouais. Et également, la météo, ça va être... Mais Fred s'en occupe encore cette émission semaine. Émission de service. Moi, je approche client, auditoire, service. Moi, c'est ça, C'est important. Alors, s'il fait beau chez vous, n'hésitez pas à nous écrire. Toujours est-il qu'on va commencer ce show-là. Oui. Notre premier invité. Écrivaine de grand talent, son personnage de la policière Maud Graham fait maintenant partie de l'imaginaire littéraire québécois. Voici Mme Christine Brouillette! Quel bonheur de vous recevoir, Madame Brouillette. Vous pouvez prendre Madame un micro. Madame Brouillette. Ben là. Madame Brouillette, j'ai l'impression qu'on parle de ma mère dans ce temps-là. Ben, voulez-vous que je vous appelle Christiane? Oui, oui, Christine, ça va être parfait. Bonjour, Christiane. Christine. D'ailleurs, il y a un grec dans votre nom. Comment ça, il y a un grec dans votre nom? Parce que quand j'étais petite, je voulais équilibrer avec la barre du thé qui montait pour que ce soit plus joli quand, dans la graphie, mais franchement, ça sert à rien, réellement. Pour qu'il y ait une petite patte en bas. Oui, c'est cela. Ah, vous êtes comme ça. L'équilibre en tout. Non, mais ça, c'est intéressant, ça. Non, mais je dis ça parce que je regardais votre bibliographie et puis, évidemment, vous avez écrit plusieurs livres qui concernent Maud Graham, votre héroïne. Oui. Et je voyais que Maud, ça s'écrit avec pas de E. Et je me dis, c'est-tu une autre affaire de... Ben, je sais pas, je pensais que ça s'écrivait sans E quand je l'écris. Arrêtez donc, pour vrai? Oui, mais oui. Puis après ça, je ne me suis pas posé la question. Il y a les mots sans eux. Ça ne l'empêche pas de mener ses enquêtes avec brio. Ça économise de l'encre aussi. On dirait qu'on est à apostrophe avec Bernard Pivot. Ben au moins, j'ai cette culture-là, Jean-Sébastien. je voyais votre bibliographie. Vous écrivez en tabarouette des livres. Ben c'est ma job. Ben non, mais je peux comprendre, mais c'est parce qu'il y a tellement d'écrivains qui publient un livre aux 4 ans, aux 5 ans. Oui, mais moi, je paye mon hypothèque. Ouais. Donc, je dois produire. Non, mais je comprends. Dans les faits, je me sens coupable si j'écris pas. C'est vrai? Oui. Alors, j'ai une espèce de morale judéo-chrétienne bizarroïde, là, et je suis une psychorigide angoissée totale. Donc, tout ça mis ensemble fait que si je n'écris pas, ça ne va pas bien. Alors, je suis obligée d'écrire. Et je pense que je serais agressive si est-ce que vous aimez pas. Ça, écrire? Non. Non, ben non. Pour vrai, vous avez pas étonnamment, vrai. Étonnamment, non. C'est parce que ça a l'air une question déjà lu Lise Bissonnette. Tout à fait. Disait elle qui n'aimait pas écrire et c'était une corvée. Je trouve ça intéressant, mais pour moi, c'est du travail. C'est ça. Moi, le plaisir, c'est relié à l'abandon. Donc, j'ai du plaisir à faire la cuisine, j'ai du plaisir à manger, à la manger, ouais. J'ai du plaisir à recevoir des amis. Ouais. Bon, je peux vous lire énormément, mais écrire, c'est un travail. Donc, je suis en contrôle. Et quand je suis en contrôle, je ne suis pas dans une notion de plaisir. C'est des gens qui aiment vraiment mais lire. Je trouve que j'ai un travail formidable. J'aime le travail que je fais. Je me sens privilégiée. En plus, je gagne ma vie comme ça. C'est vraiment un cadeau. Mais pour moi, c'est deux choses différentes. Ouais. Le plaisir. Je vais avoir du plaisir quand je vais aller prendre mon premier drink tout à l'heure. Là, oui. Non, mais. Et ici aussi, j'ai du plaisir, hein? Oh, faites pas semblant. Non, mais vous laissez aller dans l'écriture, ça se peut, je veux dire... Mais laisser aller, mais quelle idée! Mais non, mais il y a moyen d'écrire comme on fait à manger, j'imagine. Balzac, lui, prenait, il écrivait tout nu dans son, dans son grenier toute la nuit en buvant du café, debout. Il y avait l'air à triper mairette, ça, c'est du laisser aller, ça. Il y a pas mal de café, hein? Ben oui, c'est ça, mais en même temps, c'est du laisser aller. Vous pouvez pas écrire en vous laissant aller, vous devez être structuré. Je suis très structurée, j'ai des plans archi précis. C'est très, très, très organisé. C'est très psychorigide. Je sais où je... Oui, c'est ça. C'est ça. Je sais où je vais, autant que possible. C'est rare que les personnages font des choses parfois que je n'attends pas. Et ça, je trouve ça amusant quand ça arrive. C'est comme un léger décalage. On se croirait dans une nouvelle Marcel Aimé. C'est très, très, très amusant quand ça arrive. Mais en général, je sais ce que je fais, je sais où je vais et je sais comment le roman doit finir. Ça, vous, en partant, vous oui. le savez? Oui, oui, oui. Vous avez votre structure parce que, évidemment, vous êtes... Ben un peu l'Agatha Christie du Québec. On a souvent dire ça. Je trouve ça le fun, ça. Oui, Agatha Christie, oui, ça sonne bien. Ah, Agatha, avec un Y. Mais non, ça, il me semble que ça vous va très bien. Mais oui, puis non, parce qu'Agatha Christie, elle a fait des romans qui ne sont pas tout à fait inquiétants. On n'a jamais fait des frissons en lisant Agatha Christie. On n'est pas bouleversé. Moi, j'espère que ce que j'écris est quand même plus sombre et plus noir qu'Agatha Christie, ou plus drôle, parce que j'ai quand même deux séries avec mon personnage de Louise, qui est dans la comédie, qui est une espèce de... psychopathe. Sympathique, mais tout de même qui un peu les psychopathe. Chats, hein, qui adore ça. Les chats. Oui. Ben oui, non, c'est, ça devient un problème. Elle a bien raison. Ah, vous aimez les chats? Je suis folle des chats. Mais je sois des animaux, moi. Les chats, les chiens, les insectes, les boas, peu importe. En autant que ça a une certaine vie intéressante. Bon, j'aime pas les moustiques, là, non. Mais, c'est un insecte. Oui, c'est l'exception qui confirme la règle. Vous êtes un peu raciste. Parce qu'eux, ils m'aiment trop. Ah, mais non, mais ça, c'est un problème. Mais là, revenons sur les boas. Là. Vous aimez ça à quel point? Est-ce que vous en avez? Des chats? Non, des boas. Des boas? Non, ouais. en plume seulement. Ah, mon Dieu, c'est spécial, ça. On va aller dans oui, ce oui, point-là, oui, j'ai plein de petites choses. Hein? Parlez-moi de vos chats, parce que votre héroïne, Louise, là, vous venez de réécrire un livre. Oui. Il y a eu quand même un bon... 30 ans. 30 ans entre la série de Louise. Louise qui tue, c'est... En fait, pour protéger ses chats. Qui va toujours protéger les animaux. Et là, je suis en train d'écrire le prochain. Et là, elle s'attaque à la mafia. Alors, je m'amuse. Là, je m'amuse à construire l'histoire. J'ai pas de plaisir au moment où je l'écris parce que je suis vraiment concentrée. Mais quand je crée les personnages, quand je crée l'univers, là, j'ai du plaisir. Puis il y a beaucoup de scènes dans les restaurants, dans les romans avec Louise, comme il y en a avec Maud Graham aussi. Et ça, c'est vrai que les moments où mes personnages sont à table, là, j'ai vraiment un moment très agréable. Parce que les recettes, je les invente ou je les connais, mais je mets des recettes en général. Quoique je dis ça, puis j'ai mis des recettes dans le truc qui est sorti cet été, sur les traces de Maud Graham, sur la piste de Maud Graham, et j'ai mis des recettes. Et quand, dans tous mes romans, puis on les a retrouvées et je les ai écrites, mais quand je les ai testées, ces recettes-là, j'ai eu des gens qui ont servi de cobaye tout l'hiver. Ah oui, pour tester vos recettes. Et il y en a vraiment une coupe. Je ne sais pas pourquoi j'avais écrit ces recettes-là et pourquoi j'ai fait manger ça à mes pauvres personnages, mais le saumon cajun, ça ne fonctionne pas. Non. Quand vous écrivez une recette, quand vous écrivez un plat dans un de vos livres, vous l'inventez et vous n'avez aucune idée de ça. Des fois, je l'ai déjà fait, puis je le connais, puis je le fais, mais des fois, je leur fais manger quelque chose que j'ai pas... Bon, par exemple, des os à la moelle farcie d'escargot, ça, je l'avais pas fait. Puis? Je l'avais mangé dans un restaurant. Mais oui, c'était très réussi. C'est très bon. Mais il y a vraiment... Maintenant, quand j'écris des recettes dans le prochain Louis, j'ai des choses très, très compliquées. Parce que quand même, le personnage de Guido Botterini est un grand chef. Et là, vraiment, je fais plus attention à ce que j'écris en me disant, est-ce que c'est réalisable? Si jamais j'ai un livre de cuisine à faire avec ces recettes-là, je suis mieux d'y penser maintenant. On dit que vous êtes la reine du polar québécois, puis je me suis posé une question bien niaiseuse, puis peut-être que vous avez les réponses, les gars, mais moi, je ne l'ai pas. Sûrement. Ouais, voilà. Pourquoi on appelle ça un polar? Polar, mais c'est un roman policier, tout simplement. Mais pourquoi polar? Oh, je pense que c'est venu dans les années mai 68 et compagnie, on s'est mis à parler de polar, mais ça reste que c'est la même chose. C'est un roman noir. Mais il y a des différents degrés. Il y a des romans énigmes, il y a des romans plus à suspense, il y a toutes sortes de types de romans policiers. Mais moi, qu'on me dise que je fais du polar ou du roman policier. En autant qu'on me parle pas, pour être très gentil, de paralittérature, ça va bien. Ça, parce que ça reste de la littérature. Ben, je pense que oui. Ben oui, c'est je ça. Je pense que Simenon nous a quand même laissé une œuvre considérable. Ça va bien de la lune. Je me demandais aussi, tu sais, je vous ai présenté comme quelqu'un de très, très gentil. Ben, j'espère que c'est vrai. Non, mais c'est ce qu'on retient. Et puis, ma sœur, qui recherchait sur l'émission et qui vous connaît assez bien, oui. Mon Dieu, qu'elle vous aime, parce que vous êtes tellement gentille. Mais en même temps, je me dis... Merci, dans, Marie-Hélène. Dans tous ces livres, es-tu du monde? Oui, et je là, pense je que dis, c'est ça. Il est où c'est le ça, problème? C'est ça. Non, c'est ça. C'est que si je ne tuais pas tous ces gens-là, probablement que je ne serais pas très gentille. Probablement que je serais très agressive. Probablement que je passerais à l'acte. Quoique je ne peux pas vraiment passer à l'acte, parce que les policiers qui me connaissent me disent que si jamais quelqu'un décède dans mon entourage, c'est sûr qu'il va avoir une enquête sur moi. Arrêtez donc! Parce que je connais trop de choses dans le milieu pour tuer des gens, quoi. Alors, il y aurait un souci. Alors, il faut que je me retienne, tu sais. Je peux pas y aller de même, là. À quoi que dans mon jardin, j'ai toutes sortes de plantes extrêmement sympathiques qui pourraient faire la job. Mais c'est pas la peine de reculer, là. Ben, en même temps, on se protège un peu. Pour vrai, vous êtes... est-ce que vous avez ça en vous? Puis c'est pour ça que vous l'écriviez? Je pense que Louise me ressemble quand même pas mal. Je dirais pas Maud, parce que Maud est du bon côté, mais ouais. Louise est plus délinquante. Puis elle tue du monde, c'est pas de la délinquance. Hein? Non, mais elle a raison d'être tuée. Je dis, elle tue pas n'importe qui, là. Elle tue des gens. Ah, ben là, c'est ça. Ah, ben c'est vrai. Elle fait un choix éclairé. J'avais pas cette distinction-là, vous m'excuserez. Ah, ça change tout. Juste, elle ne tue pas n'importe qui, juste comme ça. OK. vous avez longtemps écrit pour les enfants, mais ça fait longtemps que vous n'avez pas écrit pour les enfants. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est parce que les enfants, de ne pas lire de livres, ça ne les tuera pas? Non. Est-ce que c'est un peu ça, l'idée? Oh, c'est alambiqué. Non, vraiment pas. C'est vraiment une question de hasard. Je veux dire, quand on me propose un truc, souvent je dis oui, là, j'ai pas eu le temps, j'en ai pas fait pour les jeunes, mais il y aura une autre proposition, puis je pourrais refaire du jeunesse, mais j'ai pas un parcours précis. Alors, je fais ce qui arrive, ce qui me tente, mais ce qui me tente. Puis justement, ce qui me tente. Oui, Jean-Philippe, concernant les enfants, j'ai un petit moment d'émotion pour l'émission ici. Il y a quelqu'un qui vient de nous envoyer, pour vrai, la première page d'un ouvrage de recettes que vous avez créé pour les enfants, donc des recettes pour les enfants. Oui. Cette personne-là s'appelle Félix Eldelaurier, vient de nous dire que grâce à vous, il adore maintenant faire la cuisine. Et c'est écrit, sans de la dédicace, cher Félix, j'espère que tu auras du plaisir à réaliser ces recettes. Bonne lecture, bon appétit. Christine Brouillette, avec un petit cornet de crème glacée dessiné à la main. C'est tout, Jean-Sébastien? C'est tout, c'est un moment d'entendre. Il n'y a rien de désagréable. C'est un moment émouvant. Oui, voilà. Notre moment, José Lito. Merci, Jean-Sébastien. On parlait de Yves Bolduc, notre ministre de l'Éducation, et de sa déclaration. Je ne sais pas si on vous a entendu là-dessus, mais... Ah, non, on ne m'a pas entendu là-dessus, non. Allez-y. Mais c'est là qu'on se dit parfois, il y a des beaux moments, des belles choses dans ma cour qui se perdent. Parce que... Ben voyons donc! Vraiment! Non, mais c'est pas possible de... C'est une menace? C'est pas possible de penser déjà qu'il n'y a pas assez de livres dans les écoles, parce que moi, j'y vais parfois dans les écoles, retrouver les jeunes. Dans les bibliothèques, il y en a pas assez. Il n'y en aura jamais assez de livres. Alors, l'idée, c'est pas d'en enlever, c'est d'en rajouter. Ça me paraît très simple comme idée, assez facile à suivre. Vraiment, là, c'est en dessous de tout comme commentaire. Et pourquoi vous pensez qu'il dit ça? Je sais pas. Franchement, là, je ne serait-ce que par intelligence politique, tu dis mais pas une affaire aussi énorme que ça. Voyons, c'est la rentrée scolaire en plus. Mais tout le monde parle de livres. Il s'est excusé, puis il a dit qu'il était mal interprété. Mal interprété. Ouais, moi, je lui donne le bénéfice du doute. Je suis soumis à son doute. Eh bien, je n'ai pas entendu ses excuses, mais j'espère que c'est sincère, parce que si c'est sincère, ça veut dire qu'il va falloir faire prendre des moyens pour justement qu'il y ait plus de livres. Alors, ça doit pas être aussi sincère que ça, quand même. Mais c'est excusé. Je sais que vous allez participer au Festival international de littérature qui commence dans quelques jours. Oui. Ça fait longtemps que vous êtes ça là. Ça fait 20 ans, oui. Et là, vous faites aussi une association avec le Musée des Beaux-Arts, c'est si je comprends génial. Bien. Là, vous m'expliquez c'est oui, quoi ça. Oui, ça, c'est vraiment formidable. Pour les 20 ans du fil, on a 20 auteurs qui sont là pour... On choisit un tableau dans le catalogue du musée, dans toutes les œuvres du Musée des Beaux-Arts. Okay. On choisit une œuvre et on avait à écrire à peu près 250 mots sur le tableau qu'on avait choisi. Et moi, on est donc une vingtaine de personnes complètement différentes, là. Et il va y avoir trois parcours qui partent à toutes les 30 minutes. Mm-hmm. Et on lit notre texte devant notre tableau. Devant... Et là, le tableau qu'on a choisi. Okay. Alors là, on est plusieurs, on est les 20 à être là. Alors, c'est vraiment complètement différent parce qu'on vient de toutes sortes d'univers. Que moi, Hélène Dorion, on n'est pas du tout dans le même... La même ambiance, on a la même écriture et tout ça, mais on va se retrouver Monique Proulx, on est vraiment une vingtaine. Alors, je pense que ça va être extrêmement amusant. Puis, est-ce qu'on a le droit de savoir c'est quoi votre tableau? Non. Mais c'est très beau. C'est le tableau d'une femme habillée en noir et en blanc. C'est tout ce que je vous dis. C'est assez facile quand même. Mais là, dites-le, rendu-le, dites-le. Là. Non, il faut que les gens viennent. Mais il faut que les gens viennent à ça, mais il faut qu'il y aille voir aussi Poésie Sandwich chez Autre Soir qui penche, parce que c'est quand même notre casse-noisette. Et que Charlotte Rampling, qui va être là, la magnifique Charlotte Rampling, qui va lire de la poésie de Sylvia Plath. Ça, c'est la fin de semaine du 19 et 20 septembre. Et je pense que ça va être vraiment un moment particulier. Mais moi, mon problème avec le fil, parce que je vais aller voir aussi Oscar Wilde par René Richard Cyr, je vais aller voir Parlure et Parjure. Mon problème, et on n'a pas encore trouvé la solution, c'est que je n'ai pas de clone. Et il y a des moments où il y a des choses qui se passent en même temps. Et là, ça va mal. Il y a une nouvelle de Marcel Aimé magnifique qui s'appelle Les Sabines, et elle se multiplie à l'infini. Et ça serait vachement pratique d'avoir ce truc-là pour aller au fil. Mais bon. Vous avez qu'à utiliser vos plantes dans votre jardin pour éliminer des gens qui vous nuisent. Hein? Vous savez, vous avez juste à faire ça. Mais vous restez. Ne me tentez pas. Mon Dieu, vous êtes vraiment épeurante, finalement, vous. Vous restez avec nous pour le reste. Volontiers. C'est génial, ça. Parce que, vous savez, il y a des habitués de la soirée ici qui nous écoutent à chaque semaine depuis 2 ans et qui connaissent peut-être notre personnage préféré ici à l'émission. Il y en a d'autres qui ne connaissent pas ce personnage de radio communautaire qui n'était pas là avec nous la semaine dernière, mais qui est là. Il y a des gens qui le connaissent. Elle est ici cette semaine avec nous. On va écouter un peu de 14h30 AM, la radio communautaire avec Jean-Étienne Heu. Radiovision le 14h30 AM. Jean-Étienne Heu au microphone, un microphone que vient de réparer encore une fois la luxuriante Gladys qui en a déjà plein les bras avec notre console break ballante. Malgré la température estivale, permettez-moi d'y aller d'un petit commentaire à saveur sportive. Vous savez comme moi que le Canadien de Montréal se cherche un nouveau capitaine suite au départ de Brian Gionta. Et je suis très peiné de voir qu'on n'a toujours pas trouvé son remplaçant. Je ne comprends même pas qu'on hésite à ce point quand un seul candidat sort du lot. Pernell, Carl Subban, meilleur défenseur de la planète, fougueux, intempestif. Il vient de signer un contrat à long terme avec l'équipe et il n'a toujours pas le C sur son chandail. J'espère que les dirigeants du Canadien ne se nourrissent pas à la même auge que les autorités de Ferguson au Missouri. Car quand on y passe, il n'y a jamais eu de capitaine noir dans l'histoire de l'équipe. En fait, il n'y a jamais eu de noir dans l'histoire du Canadien avant Piquet-Subban. Je pense que si une statistique veut dire quelque chose, c'est bien elle. Michael Jordan, pas capable. Usain Bolt, pas capable. Tiger Woods, pas capable non plus. Des amateurs. Maintenant que le Canadien à le meilleur joueur noir, tous sports confondus. J'espère qu'ils vont effacer les affronts de leur histoire et le nommer capitaine. Non, il ne parle peut-être pas le français. Pas capable français, bon, on peut faire avec. Gionta ne parlait pas plus français et que dire de Saki Koivu, une demi-portion de Haagen-Dazs. Le dernier à l'avoir parlé, c'est Vincent Danfous, un joueur plus occupé à combattre les pellicules dans les publicités de Head & Shoulders que le racisme dans le vestiaire du Canadien. Alors, enlevez-vous les doigts du nez et mettez piqué capitaine. Jean-Étienne n'est pas très précis. Il y a eu quand même Georges Larac. Oui, puis il y a eu Donald Brashear aussi. Ouais, hein. Mais c'était pas tout à fait des joueurs. Ah, c'était pas des vrais joueurs. Ben, c'est des joueurs. Peut-être pour ça que ça lui échappe. D'ailleurs, juste vous dire, on vient de recevoir un super message ici de Solamda qui nous dit « Très intéressante votre émission, mais si j'étais vous, j'envisagerais de faire une émission d'humour. Qu'en pensez-vous? » Ah, on va y penser. Un beau commentaire. Oui, c'est pas fin. les gens ont tellement de temps libre aujourd'hui. Hein. Mais Fred, justement, faites-en de l'humour. Là. Et ça sera pas facile. Non seulement j'ai cessé de consommer de l'alcool, je vous l'ai dit tantôt cette semaine, mais une lucidité extrême est tombée dessus et je me suis mis à me demander si le Canada, mais surtout le Québec, ne s'en allait pas sur une bien mauvaise voie. L'actualité nous a fourni de la matière à réflexion afin de répondre à une question qui a solu naturellement. Oui, solu du verbe soudre. Solu? Donc, oui, une question à solu cette semaine. Se pourrait-il que nous nous républiquions de bananisions de plus en plus? Prenons d'abord cette fusion entre le géant Burger King et Tim Hortons annoncée cette semaine, une transaction de 12 milliards de dollars qui, au premier abord, semble être dictée par des motivations d'affaires et boursières, mais quand on s'arrête pour réfléchir, encore une fois, on se rend compte que ça cache autre chose. On ne viendra pas me dire que Burger King ne pouvait pas lui-même servir à ses clients du café bas de gamme, des déjeuners trop gras et des wraps au poulet de qualité douteuse. Il le faisait déjà. Non! Burger King et Tim Hortons ont fusionné pour la seule et unique raison que le Canada est devenu un paradis fiscal, mes chers amis. Alors que le taux d'imposition des entreprises aux États-Unis est à 35 %, il n'est que de 26 % quand on combine le taux québécois et fédéral. Juste au fédéral, il est passé de 38 % en 72 à 15 % aujourd'hui. 15 %! Pas pour rien que c'est en Ontario que Burger King va installer son siège social pour s'asseoir sur ses profits au lieu de le donner au fisc. Mais ça ne s'arrête pas là. On apprenait cette semaine que Laval était aussi devenu un paradis fiscal. Oui, Laval. Le Journal de Montréal nous apprenait que la multinationale Valeant, qui œuvre dans le domaine pharmaceutique, a son siège social à Laval depuis 2012. Et depuis 2012, elle a engrangé des profits de 3,4 milliards sur des revenus globaux de 5,8 milliards en 2013. Elle n'a versé que 3,4 millions à Revenu Canada. C'est votre salaire, ce Vautier, pendant un an. Il est à noter que Valeant a reçu l'année dernière une subvention de 8 000 $ du gouvernement du Québec. Je n'ai qu'une chose à dire, buona, buona. J'entends déjà nos amis drétistes nous dire que c'est bien correct de ne pas imposer les entreprises puisque c'est de l'argent économisé. Ces mêmes entreprises, le cœur sur la main, vont remettre cet argent-là, vont le réinvestir dans la société, ce qu'ils appellent le fumeux concept du ruissellement de la richesse. Eh bien, justement, parlons-en, puisque l'Institut City Hall publiait cette semaine une étude qui démontrait qu'on ne le devait pas s'inquiéter, que les entreprises laissent dormir les liquidités en période de ralentissement économique, que c'était bien correct. Pour ceux qui l'ignorent, je vois tout le désert abyssal dans vos yeux, Jean-Philippe. Ouais. L'Institut Ciliard est bien sûr un think tank de droite, une expression qu'on pourrait traduire par un réservoir à pensée unique, une fausse sceptique en quelque sorte, surtout quand on sait que les liquidités des entreprises qui dorment totaliseraient 500 milliards de dollars. Mettons que le concept de ruissellement de la richesse s'assèche pas mal quand on apprend cela. Encore une fois, je n'ai que moi à dire, buona, buona. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'on apprenait aussi qu'une entreprise chinoise allait construire une usine toute neuve dans la municipalité de Saint-Bruno. Vous me direz, où est le problème, Frédéric Savard? Personne m'appelle comme ça, sauf ma mère. Eh bien, le problème, c'est que cette entreprise fabriquera des systèmes d'alarme à incendie destinés uniquement au marché chinois. Alors que dans les années 60, nos parents parrainaient des enfants chinois à 25 sous la tête. Alors que dans les années 80, nos entreprises sous-traitaient en Chine la fabrication de jouets cheap vendus aujourd'hui dans nos doloramas. Eh bien, voilà que c'est nous qui sommes devenus la Chine de la Chine. Et il faudrait se réjouir de cela. Je n'ai qu'une chose à dire, buona, buona. Nous nous république de bananisons à vitesse grand V et personne ne fait rien. Vous ne faites rien, Vautier. Vous me direz qu'avant d'être une république de bananes, ça va bien toujours prendre des bananes. Eh bien, justement, grâce, j'ai pensé à tout, grâce à l'exploitation effrénée des sables bitumineux albertains, le réchauffement climatique fera le reste du travail et nous permettra dans quelques années de faire pousser dans l'ancienne taïga canadienne des bananiers. Et je ne serais même pas surpris qu'on en soit réduit à importer nos sapins de Noël de Chine puisqu'ils ne pousseront plus ici. Et encore une fois, on se sera fait passer un sapin. Ah ben c'est... Désolé pour l'auditeur. Ouais, c'est ça. Si j'étais vous, Fred, j'envisagerais de faire une émission d'humour. Moi, je vais manger. Je vous ai dit un petit peu plus tôt que j'ai chanté une chanson à Belle et Bonne, une chanson de Renaud. Hein? Et je me suis dit, mais quelle belle idée. Je vais faire jouer une petite chanson de Renaud. Ah, mon Dieu, c'est le fun. Non, mais ça fait longtemps. Arrêtez donc. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ça. Et moi, j'ai beaucoup écouté du Renaud dans ma vie. Et Olivier, vous n'êtes pas du style à écouter de la chanson de Renaud. Hein? Ben, je n'aime pas ça, là. Mais c'est parce que vous m'avez fait des gros yeux quand j'ai proposé ça cette semaine. Et Fred aussi, et Jean-Sébastien également. Non, c'était le lien entre le fait d'être obligé d'être une chanson pour vous mettre en valeur, encore une fois, à l'émission Belle et Bonne. Moi, c'est ça qui me dérangeait. Moi, en fait, j'avais l'image de Renaud dans ma tête, c'est pour ça. Ah oui, non, il va pas bien, Renaud. Toujours est-il qu'il y a un album, un hommage, justement, qui est sorti depuis quelques semaines. Et il y a une chanson, d'ailleurs, de... Comment elle s'appelle? La petite fille qui chante... Cœur de pirate. Cœur de pirate qui chante Mistral Gagnant. Mais c'est pas celle-là qu'on va mettre. On va mettre Laisse Béton. Non, mais je m'en plus de son nom. Donc, on va mettre Laisse Béton, joué par trois rappeurs français. C'est très bon. La semaine dernière, c'est Bruno Blanchet qui a timidement inauguré le siège de l'invité d'honneur. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Cette semaine, on a la chance de recevoir la légende vivante de la radio. Monsieur Michel Desautels, mesdames et messieurs, on est très heureux. Merci. Calmez-vous quand même. Il est à la radio demain, donc il n'y a pas de problème. Michel, merci de venir nous voir et de venir, en fait, jouer un peu le jeu du panéliste comme Olivier, comme Jean-Sébastien, comme Fred. Vous avez le même rôle, hein, vous savez. C'est-à-dire? Ben, faites des blagues, là. Ben, vous êtes là. Non, mais remarquez qu'au naturel, il se débrouille déjà très bien. Je vois. je vois pas d'ailleurs pourquoi vous avez besoin de supplément d'âme, sauf si c'est pour élever c'est un peu... C'est pas tant ça, en fait, parce que le concept est flou, mais... Non, non, mais c'est vrai que le concept est flou. On dit invité d'honneur. On invite des gens qu'on aime, puis on a envie de passer du temps avec eux. C'est, ouais. C'est ça le principe. Et Blanchette, vous l'aimez bien? Bruno Blanchette, ben oui! Ah, okay. Ah bon. Enfin, on en parle. Vous allez nous parler... Parce que là, vous, évidemment, vous allez nous parler au début de la prochaine heure, mais vous avez un sujet en particulier? C'est-à-dire... Peut-être que je serai réinvité. Hein. C'est aussi le principe de la. Oui, oui, l'idée, c'est pour René. Ben oui, ben regardez oui. Comment vous êtes, ça va, là, si vous êtes c'est bon ça. Et tout. Là. Okay. Alors, au cas où je ne reviendrai pas, je voudrais vous faire un peu, pas la leçon, parce que c'est passé d'époque un peu, mais profiter de ma petite expérience. Vous parliez de légendes vivantes tout à l'heure, ouais, c'est tout à fait à propos. Oui, je sais. Et donc, je vais essayer de distiller un peu de ma sagesse radiophonique sur vos. Frêles épaules ou frêles neurones, je ne sais pas. C'est le fun, ça. Alors. Non, mais sans prétention aucune. Non, c'est on va en sortir grandi, si ben je comprends bien. Ben, j'espère. Moi, je vous ai écouté comme beaucoup de gens la fin de semaine dernière. Ouais. Évidemment, c'est un début. C'était encore très malhabile et tout ça. Mais j'ai quand même tiré quelques... On rit parce qu'on sait que c'est pas vrai. lui, c'est le plus chou du groupe. Hein. Chou? Il est vraiment chou. C'est un drôle de compliment. Chou. Un jour, Michel des Hôtels m'aurait dit en honte que je suis chou. Ben. C'est la seule chose qui me vient en tête quand je pense à vous. C'est mieux que de dire chou. Ouais, c'est ça. Ben, vous restez avec nous. De toute façon, ça va nous permettre. Ben, ça va vous permettre de goûter à la recette de la semaine. Oui. Oh non! Jean-Sébastien, votre aspic la semaine dernière a été un succès bœuf. Oui. Moi, sincèrement, non mais c'est tout à fait vrai. C'est vrai? J'avais du chrome à laver à la maison. Vous avez utilisé l'aspic? Et j'ai utilisé l'aspic et franchement, ça reluit mes amis et ça me laisse une petite odeur de jus de tomaté. Donc pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, ouais. Jean-Sébastien nous a fait un aspic extraordinaire qui n'a pas pogné. Alors c'est un jus de tomate avec des moutons. J'avais mis une tasse de jus de tomate de trop, donc c'est important de suivre les consignes. Ok, d'accord. Merci. Et cette semaine, Jean-Sébastien, qu'est-ce que vous nous faites? Oui, bien, je continue dans cette même veine. Je resterai toujours un peu dans cette veine-là, de retourner vers le manger d'autrefois. Oui. Hein? Celui qu'on aimait manger avant qu'on devienne fou avec le pot de gluten, le macrobiotique et le chia, Jean-Philippe. On revient donc à cette bonne vieille nourriture. Et aujourd'hui, j'ai envie de réhabiliter un aliment qui est un peu disparu, mais en fait, pas tant disparu que... un aliment qui a perdu un peu de sa patine, un aliment qui est un peu snobé dans notre milieu. Pourtant, on l'a beaucoup aimé, il y en avait toujours dans nos réfrigérateurs. J'ai nommé la bonne tranche de fromage jaune-orange. Ben oui. Et là, évidemment... Ben voyons, non! Exactement. Parce qu'on a snobé ça, on a l'entendu. Les gens applaudissent même pas. Plus rien. Ça fait partie de notre patrimoine. On a été vraiment injuste envers la tranche Shinga pour la snobber comme ça. C'est tellement un bon produit. Absolument, c'était un bon produit. C'est pas pour rien que ça se vend encore autant. Ouais. Pourquoi on aime ça, les tranches de fromage jaune orange? Je vous pose la question, Jean-Philippe. Parce que c'est pratique. Parce que ça se conserve très longtemps, évidemment. Parce que c'est bon gratiné, toasté, fondu, etc. Quand vous arrivez bien chaud d'un karaoké à 4 h du matin, vous n'avez plus rien à manger à la maison, vous en mangez 5, 6. Vous retrouvez les papiers le lendemain matin partout et vous êtes sustenté. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse sur la conservation de la tranche Shingle? Quand je suis arrivé à Montréal au début des années 90, on vivait en appartement avec plusieurs colocataires et on a eu la bonne idée de coller, d'ouvrir une tranche Shingle et de la coller sur un mur. Et ça, c'est véridique. On l'a collée sur le mur pour voir combien de temps elle allait coller là. Ouais, puis. Et elle est restée sur le mur pendant 8 mois. Comme quoi, c'est de grande qualité. Elle n'a pas moisi, elle a pâli. Elle a durci et à la fin, elle s'est craquelée. Elle n'est jamais tombée au bout de 8 mois. Et on est obligé de l'enlever parce que ça faisait une marque autour du mur, carrément. Ben, moi, alors, fromage. Comprenez pourquoi on snobe les tranches. Ouais, mais le fromage qui ne moisit pas, pour moi, c'est quelque chose de très rassurant. Et c'est. Je veux dire. Tu es un amateur de fromage. Les temps sont durs, évidemment. On ne peut pas se permettre de gaspiller de la nourriture. Et je regarde ici, c'est écrit « Meilleur avant, le 31 janvier 2015 ». Ah, donc, je peux conserver ce fromage-là très longtemps, évidemment. Là, vous allez me dire, Jean-Philippe, c'est bien cute de parler de fromage jaune-orange, mais on est quand même à Radio-Canada. J'ai envie d'apprendre des choses. Oui, ben c'est ça. Alors, je vais vous apprendre l'histoire du fromage jaune-orange, Jean-Philippe. D'où ça vient? Michel, franchement. Alors... Michel des Hôtels qui ronfle en nom. Attendez demain à 10h pour faire ça. Déjà... C'était écrit, ça? Non, mais elle était bonne dans ta barouette. OK, allez-y, quand vous allez reprendre les reportages du 15-18 qui ont été diffusés cette semaine. Donc, l'histoire... Ça va être une belle heure. Donc, l'histoire du fromage jaune orange a été inventée, donc, il y a à peu près 100 ans, à peu près en même temps, par deux grands hommes, bon, pardon. Appelez-les des tomes, on parle de fromage. Alors, par... Merci. Vous l'avez... Il y a peu, peu de gens l'ont compris. C'est formidable, ouais. Le fromage, la tome. Ouais. Il y a Christine qui l'a comprise, évidemment. Alors, ça a été inventé par Merci. M. Kraft aux États-Unis et par M. Gerber en Suisse. Donc, l'invention, et là, je le dis vraiment sans ironie, a vraiment un peu révolutionné la nourriture de cette époque-là. Alors, l'origine de tout ça, ben, c'est la fondue au fromage. Donc, on faisait fondre des fromages, on ajoutait du vin. Et là, M. Kraft et M. Gerber sont arrivés à la conclusion qu'on pouvait peut-être remplacer le fromage par du citrate de sodium du phosphate de sodium. Attention, qui sont deux éléments clés dans la tranche de fromage parce que ce sont des sels de fonte. Oh. Et c'est là la magie de la tranche de fromage, c'est que ça fond parfaitement, ce que vous n'avez pas avec d'autres fromages. Donc, si vous décidez de vous faire un cheeseburger, ça ne va pas devenir des petits morceaux de fromage, ça ne va pas faire des copeaux. C'est désagréable, ça. L'enfer! Ah. Donc, le fromage va fondre de façon parfaitement égale. Donc, vous regardez les sels. Les sels donc, de fonte permettent justement d'avoir cette texture très élastique. Ouais. Vous en avez devant vous. Ouais. Donc, très malléable. Et évidemment, cette couleur parfaite qui est due, évidemment, à du colorant. Donc, évidemment... Je vous entends, les foodies, me dire, évidemment, ce n'est pas du vrai fromage. Ben, c'est ça. Bon, évidemment, bon, on a posé la question à Patrick Tirard-Colette à l'émission. Il travaille au ministère de l'Agriculture, donc on a posé la question à ce monsieur-là à l'émission L'Épicerie. Il dit, évidemment, on ne peut pas appeler ça du fromage. Bon. On parle de préparation de fromage, de produits à base de fromage fondu. Mais il y a quand même du fromage à l'intérieur. Une sorte de fromage qui a été créé spécialement pour ces tranches qu'on appelle le caillé brasé. Qui est dans le tableau des éléments. Donc, c'est conçu pour ces tranches de fromage-là et ça contient quand même 50 % de fromage pour le reste. Wow. C'est quand même pas mal. Alors, évidemment, plus on le prend gras, hein, parce qu'il existe maintenant là, des trucs sans gras, c'est intéressant. Ça. Donc, plus il est riche, plus il est onctueux. La recette maintenant, rapidement, une recette qu'on a beaucoup fait dans notre enfance, très bonne. Et là, il n'y a pas d'ironie, ça demeure un plat très bon. C'est le spaghetti aux tranches de fromage. Ben, parlez pour vous, on n'a jamais fait ça chez vous. Qui a déjà fait ça? Je viens d'un quartier oublié. Sûrement pas. Personne ne connaît ça. Levez la main, ceux qui connaissent ce spaghetti-là. Il y a une personne qui lève la main. Trois personnes. Des snobs. Trois pauvres, probablement. Alors, évidemment, j'ai triché. J'ai triché, Jean-Philippe, j'ai commencé à faire cuire les nouilles déjà un petit peu avant ici. Donc, on a 900 grammes de spaghetti. Là, on prend du vrai spaghetti, pas des affaires à la lime ou bien non, bien entier, du vrai spaghetti. Ah ouais. On ajoute, voilà, 4 tasses de V8. Brassé comme il faut, hein? Voilà, 4 tasses de V8. Et on va ajouter 24 tranches de fromage à l'orange. C'est la vraie recette. Je sais pas si vous êtes allé à l'épicerie récemment, mais c'est quand même coûteux comme recette. Ça coûte recette, une bulle, hein? Mais non. C'est 5 $ pour 32. Ben, bon, savez-vous, ça coûte combien, le vrai fromage? Ben, c'est ça. On n'a pas tous les moyens. Donc, et là, vous allez faire fondre dans le jus de tomate vos tranches de fromage. C'est dégueulasse. À coup de 2 ou 3 en même temps. Ouais. Vous allez couvrir 30 minutes, le temps que ça jamme. Et après ça, vous en avez pour à peu près une dizaine de personnes. Et là, ben, je vais faire le service ici. J'aimerais le faire goûter à Christine Brouillette, épicurienne devant l'Éternel. Et vous pourriez même, en fait, Madame Brouillette, nous dire... Oui, vous pourriez nous dire avec quel vin... Oh, pardon! Ça revole. Parce que c'est... Il est un peu froid. Oui, il est un peu froid. Donc, ça revole un peu. C'est dur un peu, hein? C'est parce que c'est un fromage. Alors, servez ça, Madame Brouillette. Ben, c'est chien. Je vais... Mais pour vrai, au-delà de l'ironie et de tout ça, courage, c'est juste bon. En fait, c'est réconfortant. C'est le côté MDF de la préparation qui est pris le dessus. Bon, mais vous allez donner le verdict. Il faut se battre un peu avec. Ouais. Je vais le sentir avant. Mais vous ne pouvez pas trouver ça mauvais. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Ouais. Justement, du fromage. Ah, mon Dieu, que c'était cœur. Personnellement, c'est froid, hein? Oui. Moi, je pense que chaud... Ça permettrait de dégager les arômes. Exactement. Moi, je prendrais un vin qui goûte beaucoup. Oui. C'est un Sauvignon, là, vraiment, avec un parfum de mûr très prononcé. Là, pour, de mûr, comme sur le mûr. Bouchon de Cassis. Bouchon de Cassis, tiens. Quitte à le prendre bouchonné. Pour embarquer par-dessus ça. Mais chaud, c'est peut-être que ce serait plus intéressant. Moi, je mettrais un peu de poivre quand même. Pour rester dans la sélicité. Une fleur de sel de saison. Non, fleur de sel. Ben non, là, on n'est plus d'époque. La fleur de sel, c'est récent. Non, le poivre. Bon, on va en discuter pendant qu'on écoute Olivier. Ils payent du monde pour rediffuser des extraits de la radio de Québec. Ils me trouvent drôle, qui m'engage au lieu de passer des votes. On a-tu vraiment besoin de ça comme contribuable? Merci Jean-Sébastien. Maintenant, c'est le tour à Olivier. Là, chacun son tour. J'étais obligé de fermer le couvercle du spaghetti. Les arômes, hein? En ivrant. Ben, le gros dossier économique dans les médias cette semaine, et ça a fâché Fred, c'est bien sûr l'acquisition par Burger King de Tim Hortons, ce fleuron du café à l'eau de vaisselle, et juste pour déménager le siège social au Canada pour payer moins d'impôts. Mais au bout du compte, ce que le citoyen doit retenir, là, c'est que c'est le mangeur de beignes qui va en sortir gagnant. Éric Duhaime. Personnellement, là, ça me dérange pas tant que ça parce que je me dis, en tant que consommateur, si on double les impôts de Tim Hortons, là, quand je vais aller m'acheter mes Timbits, là, je vais les payer plus cher. Fait que, là, ultimement, là, comme consommateur, je finis toujours par bouffer la facture si le gouvernement est trop gourmand. Remarquez que de bouffer une facture, c'est probablement meilleur pour la santé qu'un Timbits et peut-être même meilleur au goût. Mais pour poursuivre dans la logique de Duhaime, je dirais qu'avec un taux d'imposition plus bas, le gouvernement récolte moins d'argent pour soigner les gens qui se sont bourrés la face de Timbits pas cher toute leur vie et qui doivent faire une chirurgie bariatrique. Et je ne nommerai personne parce que je ne veux pas faire d'intimidation. D'autre part, revenons sur la tragédie de l'île verte, alors qu'on apprenait que Québec ordonne la tenue d'une enquête publique, une idée qui plaît à l'avocat des propriétaires de la résidence sinistrée, Maître Guy Bertrand. Elle répond à nos besoins, je parle au nom de mon client, dans la mesure où elle est publique. Il n'y a pas de place à l'erreur, il n'y a pas de place au cacafouillage. Elle doit être publique, sinon ce serait quelque chose d'un peu odieux. Oui, cacafouillage, c'est quand même assez pipitoresque comme expression. Maintenant, Jean-Philippe, je vous ai préparé un petit quiz, un peu comme la boussole électorale de Radio-Canada qui vous aide à identifier quel parti vous ressemble le plus, là, mais en plus scientifique. Alors, répondez aux questions suivantes. Aimeriez-vous gagner plus d'argent? Oui. Aimeriez-vous un travail sécure pour assurer l'avenir de votre famille? Sécure? Oui. Si c'est un mot, alors oui. Oui. Voulez-vous que vos enfants ou futurs enfants soient laissés tranquilles par les vendeurs de drogue dans les cours d'école? Sans aucun doute. Voulez-vous que vos parents soient en sécurité, qu'ils ne se fassent pas abuser? On en parlera. Aimez-vous la tarte aux pommes? Oui. Eh bien, Jean-Philippe, si on se fie au ministre Denis Lebel, vous êtes un conservateur. Vous êtes à souper avec des amis. Vous parlez pendant la soirée. Oui, mais je veux conserver mon salaire. J'aimerais ça avoir une augmentation de salaire. Je veux que mon travail soit sécur. Je veux assurer l'avenir de ma famille. Je veux que mes enfants soient laissés tranquilles par les vendeurs de drogue dans les cours d'école. Je veux pas qu'on les harcèle. Je veux que mes parents soient en sécurité, qu'on n'en abuse pas, que leurs fonds, que leur argent soient en sécurité. Quand on fait le tour, à la fin de la soupe, tu dis aux gens, finalement, si tu avais une boussole, tu regarderais qu'est-ce que tu as comme valeur politique. Tu es pas mal plus conservateur que tu le penses. Et voilà, à la fin de la soupée, comme il dit, on est pas mal tous conservateurs. Je dirais même que Amir Kadir devrait voter pour Stephen Harper si on se fie à ça. Parlons un peu d'Yves Bolduc maintenant. On en a parlé un peu, qui, on s'en souvient, avait déclaré la semaine dernière qu'aucun enfant ne va mourir d'un manque de livres dans les bibliothèques. Mais une citation qui en a fait sursauter plusieurs, mais moi, c'est plus ses excuses qui m'ont impressionné. Je suis quelqu'un qui croit dans la lecture, qui veut que les jeunes apprennent. Moi-même, j'ai été très, très jeune soumis à pouvoir faire de la lecture. J'ai été soumis à pouvoir faire de la lecture. Il faut comprendre, M. Bolduc, hein, il y avait deux jobs en même temps jusqu'à tout récemment. Il a probablement été soumis à pouvoir faire de la lecture en diagonale et à parler en diagonale. On va parler un peu maintenant du cas de l'adjudant André Gagnon, acquitté d'accusations d'agression sexuelle sur une ex-caporale. Hein? Jeff Fillion, qui sévit maintenant sur les ondes de radio Énergie à Québec, a retenu une leçon très importante de tout ça et il a ce conseil à donner. Parce qu'il y a un bout qui nous manque, là. Tu peux pas embarquer, tu peux pas aller t'asseoir là, tu peux pas commencer. Puis après ça, une fois que c'est fini, dire que finalement, j'ai pas vraiment été manipulé un peu. Embarquez pas là, là. Embarquez pas. C'est les cuisses du monsieur, là. C'est pas une bonne idée, là. Donc, au départ, mademoiselle, mieux vaut ne pas émoustiller un homme parce que derrière chaque monsieur se cache un agresseur potentiel. On en est rendu là. Le problème, c'est que je suis pas sûr que les gens vont suivre son précieux conseil parce que Jeff Fillion est lucide quant à l'influence qu'il a. De s'informer, d'aller plus loin que ce qu'on vous offre dans les médias traditionnels. Vous avez plein de moyens maintenant de savoir, parce que ultimement, tout ce qui se passe, nous sommes citoyens responsables. C'est nous autres qui allons changer le Québec, pas les médias. N'écoutez pas les médias traditionnels, dit-il dans un média traditionnel. Je vais finir en vous parlant d'un balado que j'ai écouté cette semaine, La Marche de l'Histoire, sur France Inter, une émission d'histoire, comme le nom l'indique. Et dernièrement, on parlait de Félix Leclerc, et l'émission commençait comme suit. France Inter.fr. Bonjour, les petits papous! Et voilà, quand un Français pense Québec, Félix Leclerc, poésie, ben il pense aux têtes à claque. Il y a de quoi être fier, quand même. Alors, bye, mes petits papoutes! Merci, Olivier! Ah ben on va aller rapidement à Jean-Sébastien. Est-ce qu'il y a des questions du jour, Jean-Sébastien? Oui, pas des questions du jour, mais des questions qui s'adressent à Madame. Ah oui, non, excusez-moi. Oui, voilà, Madame, question de la journée, pareil. Voilà, la question de la journée pour Madame Brouillette. Vous allez voir, évidemment, quand on lit les vraies questions, ça fait un petit peu cap sur l'été parfois. Donc, il y a quelqu'un qui nous écrit, Madame Véronique Meuny, qui dit: vous êtes gastronome. Par quoi accompagneriez-vous la soirée est encore jeune sur le plan de l'alcool et de la nourriture? Ah, la bonne question. Ah, oh, mon Dieu. Ou ce soir, je ferai. Non, pas du spaghetti, là. Non. Pour la bouffe, ouais. Je vous proposerais une terrine de lapin en gelée. Ah ben ça, ah? C'est tellement moi. Hein? C'est frais, c'est frais, c'est sympa, ouais. Et ça se mange avec des cornichons. Alors, ah non. Mon Dieu! Je salive déjà, mais c'est merveilleux. Puis la gelée, c'est pas loin de l'aspic de la semaine dernière. Exact. Ça, c'est vrai, ça. On reste dans le concept. Ouais. En moins chic. Hey, by the way, Jean-Sébastien, oui. J'ai fait une petite boule avec votre fromage en tranche, ouais. Puis je vous la lance. Oh! C'est comme ça. J'ai pas travaillé dans des conditions comme ça. Alors, je vous rappelle, répondez à notre question du jour. C'est sur Internet, Facebook ou Twitter. Répondez à ça, on va en parler au retour des nouvelles. Aussi de la météo. Si vous avez des belles températures à la maison, écrivez à Frédéric. Il aime tellement ça, rapporter la météo d'ailleurs. Ah oui. Et la circulation, évidemment. On va aller aux nouvelles. On se retrouve. Passionné dans... de température. Ah oui. Vous tripez pas. On se retrouve dans 10 minutes après les nouvelles. On est de retour pour la deuxième heure de la soirée est encore jeune en ce samedi 30 août. Je suis toujours avec Frédéric Savard, Jean-Sébastien Girard et Olivier Niquette et allô. Michel Desautels. Yeah! Ah, mon Dieu! Hey, c'est pas des hôtels le dimanche, hein? Ça, c'est des hôtels le samedi. Olivier, rappelez-nous la question du jour et donnez-nous des réponses, parce que je sais qu'il y en a pas mal. Mais la question était, comme le propose le Parti libéral du Canada, êtes-vous d'accord pour que tout le monde, même votre voisin homophobe qui tripe sur le motocross, soit obligé de voter? Il y a plusieurs réponses et beaucoup de réponses sérieuses. Les gens sont fâchés, ben, en tout cas. Mais donnez-nous des réponses Élie fâchées. Élie Proulx-Bouchard qui dit, on devrait mettre davantage d'efforts à augmenter le niveau de connaissance politique qu'à obliger ceux qui n'en ont pas à s'exprimer. Il y a aussi Céline Équet qui dit « C'est sûr que c'est moins épuisant que de rendre la politique intéressante et de respecter ses promesses. Quelle idée de marde! » Mathieu Aubré « Forcer les gens à aller voter au nom de la démocratie, c'est un peu comme le bacon végétarien. C'est bien essayé, mais ça marche pas, puis ça donne un peu mal au cœur à tout le monde. » Bon point. Hey, ça, c'est vrai. Avez-vous déjà essayé du bacon végétarien? Non. Non. Ben, c'est pas mangeable, c'est ça que je voulais dire. On n'oublie toujours pas de donner la circulation à Frédéric Savard. J'en ai reçu quelques... Quelques... Et vous allez être surpris, hein, ouais. Combien il y a de voitures sur la route. On est toujours avec Michel Desautels. Michel, vous vouliez nous donner quelques conseils, c'est ce que vous nous aviez dit à la fin de la première heure. Oui, bien d'abord, je voulais vous dire un gros merci de m'avoir invité. Ben, ça vient du cœur, Michel. Je crois que j'ai cru... En fait, je devine que c'est pour relever un peu le niveau de l'émission. Ben oui. Parce qu'il y a toujours bien des limites à abaisser le niveau du service public sous prétexte d'aller chercher un auditoire, je ne sais pas lequel. Continuez. Non, mais c'est vrai. Non, mais allez-y. Un peu de contenu, ça ne peut pas faire de tort. Et un peu de mémoire non plus. Là, je fais référence à mon âge. Quoique, c'est vrai qu'à mon âge, souvent, on oublie où on a mis la voiture. Ben, c'est ça. Mais on se souvient de la guerre de 14. Non, mais par exemple, on se souvient que Tim Horton, avant d'être une boîte de beng, comme disait notre ancienne ministre de tutelle, Mme Copps, que je salue, elle doit nous écouter, c'est ben sûr. Oui. Ben, je suis là. Tim était un défenseur des Leafs de Toronto. C'est mon histoire pour les Grecs demain, Tim Horton. Dites-en pas trop. Oh. De toute façon, ils vont avoir oublié. ou les connaissant, pendant que je parle, ils s'en vont faire autre chose. Non, tout à fait. Évidemment. Tim, qui est né à Cochrane, en Ontario, ça c'est entre Timmins et Kapuskasing. Belle région canadienne. Ah oui. Nous vous êtes déjà allé là? Kapuskasing, j'ai travaillé là-bas. Kapuskasing, qui est le village natal de Roy Dupuis, si ma mémoire est bonne. Mais voyons! Oui. Roy Dupuis qui joue dans Being at Home with Claude. Tout à fait. Voilà. Je vais Daniel Dubois qui va recevoir dans ton Ben là! Oui. Et il y a un party ici, là. Et Kapuskasing, qui est la capitale du papier mouchoir qui est nécessaire quand on regarde Being at Home with Claude. Ah, ben là, là, c'est extraordinaire, ça, tout ce qui se passe ici. Tout continue, est Michel. Dépêchez-vous. Parce que, voyez-vous, donc, je suis content de prendre la parole, cher Toupette. Puisque j'ai écouté vos émissions du week-end dernier en entier. Ah oui, hein? Ce que peu de gens ont fait. Hein? Oui, c'est vrai. Et je dois avouer, c'était assez navrant. Mis à part M. Frédéric Savard, ici, qui a eu un trait d'esprit, ou plutôt une fulgurance, lorsqu'il a rappelé à vos auditeurs de la génération Y que le 20e siècle était une chose qui avait existé, même si c'est arrivé avant leur naissance. Et voilà. Oui, je sais, je sais. Et voilà. Le reste de ces quatre heures de radio-là, ça ne mérite pas de se retrouver dans les voûtes du Smithsonian à côté de la guerre des mondes d'Orson Welles ou des meilleurs contes de Tante Lucille. J'avais un vinyle de Tante Lucille quand j'étais jeune. Ouais. Poursuivez. Sauf que là, je vois qu'il y a plusieurs de vos éditeurs ici dans cette taverne du Myland qui sont précipités sur leur téléphone et qui essaient de trouver Tante Lucille. Un taxi. Tante Lucille. Orson Welles. Il jouait-tu à Toronto, lui aussi? À une autre époque, donc, votre coiffure, ouais. On vous avait fourni un scripteur, deux même, ça était utile, pour masquer la profondeur abyssale de votre manque de profondeur, hey, justement. Honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qui... C'est... Moi, je suis assez à l'aise avec ça, honnêtement. Mais imaginons un peu un Gilles Archambault, par exemple, ouais. qui ferait pour vous ce qu'il a fait pour le Bigot pendant des années. C'est-à-dire le rendre bon? Ben, intéressant. Ah, OK, d'accord. Mais pourrait-on se payer un tel talent aujourd'hui? Non, c'est pour ça que j'engage Fred Savard. Exactement, parce que... Franchement, c'est pas nécessaire. Ça va beaucoup trop loin. C'est sûr que si on va être encore ici, enfin, pas ici, là, dans 20... Enfin, encore en ondes dans 20 oui. ans. En 2020, comme mais dit notre président. Mais pas vous, toujours. Non, moi, je me rends pas à 2020. Non, c'est ça. Monsieur notre président peut se rassurer, je me rends pas jusque-là. Donc, il faudrait économiser si on veut se rendre jusque-là. Et reconnaît, en fait, je me disais ça. Tu sais, ils auraient mis l'argent, ils auraient engagé un vrai animateur pour ce 5 à 7-là. Ça aurait été génial. Uh-huh. Mais dans le fond, c'est peut-être pas bête de prendre le même argent puis de saupoudrer sur toute la gang. Comme ça, ça vous évite d'être dans la rue. Ouais. Au moins temporairement. Ouais. Je suis plus sûr que je trippe tant que ça, moi, sur ce concept-là d'invité d'honneur. Moi, j'ai pas ça, sincèrement. Mais si je reviens à votre mandat, et je conclurai assez rapidement, cher ami. Ah non, vous avez encore bien du temps. C'est hein? Vrai? Vous oui. qui avez tant d'expérience et de culture, allez-y, hein, remplis-les, votre 3 minutes. Revenons à votre mandat, oui. ou mieux, à votre mission. Parce oui. que si vous aviez un vocabulaire comme celui-là, moi, on comprendrait qu'on a affaire à quelque chose de sérieux. Mm-hmm. Si j'ai bien compris, vous êtes une émission de service. Ben, on essaie. Alors, la météo canadienne, ça, oui. c'est une vraie bonne idée d'abord. Puis c'est canadien. Ben, c'est canadien. C'est des points régions que vous accumulez pour un renouvellement de contrat. C'est une très, très bonne idée. Oui. La circulation d'est en ouest, c'est vraiment où? Est, d'ouest en est, je ne sais plus. Ça dépend des routes. Oui. Peut-être nord-sud aussi. Si vous pouviez ajouter à ce petit volet service public quelque chose qui dirait, par exemple, où on peut trouver en spécial des couches cette semaine. Ça serait vraiment fessé. Ah ben oui, ça, des couches pour enfants, pour adultes? Non, pour adultes. Okay. Ben, c'est sûr que ça serait utile pour certains Et puis, animateurs. Pour ce qui est des ouais. débats, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas assez de débats à cette antenne. Ça, c'est vrai. C'est ce qu'on trouvait aussi, voilà, ben oui. C'est ça qu'on a dit la semaine dernière. On n'a pas assez de débats, on va en faire des débats. Des vrais débats. Ben non. Il n'est jamais trop tard pour débattre. Une vraie bonne prise de bec avec comme fond d'écran, comme décor, là, pour ou contre le temps, par exemple. Moi, en ce moment, je suis contre. Ben moi, je le compte. Je suis pas loin de mon 3 minutes. Oui, continuez. Ou encore, puisque l'époque glaciaire est presque terminée, on l'a constaté cet été. Ah, il fait chaud, hein. Faut-il en finir avec l'abri Tempo et ses partisans? Et je ne vise personne. Ah, vous visez vraiment personne? En particulier. OK. Donc, vous comprendrez, chère séparure. Pardon? Chère séparure. D'ailleurs, vous êtes séparée de quel bord? Vous, à gauche ou à droite? Moi, honnêtement, je porte à gauche, pour le haut. OK. Je ne suis pas contre la modernité dans le débat entre les anciens et les modernes. Non, c'est pas du tout. Je voudrais juste qu'on tente de s'élever un peu, de tendre vers le haut dans le mm-hmm. grand débat entre la hauteur et la blessure. Ça, ce sont des mots gaspésiens que je vous offre en cadeau. Ah, merci. Mon Dieu, merci. On va les mettre sur la page Facebook de l'émission. Il y a une blessure dans le plancher, puis il peut y avoir une hauteur de... Ben, quand t'es chanceux, t'as une hauteur. Donc, soyez décoiffés si ça vous chante, mais... Ouais. Avec panache. Ben je sais, franchement, mais merci beaucoup, Michel Duhautel. Vous êtes d'une utilité. Ça fait peur. Ça en est quasiment triste. Vous restez avec nous pour le reste de l'heure, s'il vous plaît. J'espère. Vous savez qu'on va recevoir René Daniel. Et vous intervenez quand vous voulez. Hein. Pas vrai. Ben. Ça fait du bien un peu de hauteur de. De hauteur ou de blessure. De hauteur dans cette émission, oui. Hauteur. Ben c'est ça. Ben je vous remercie beaucoup, Michel. Est-ce que vous voulez savoir combien il fait? Où? Ben partout. La météo. des belles présentations. Fred, ouais. La météo. J'ai pas de félicitations à faire aux gens de White Horse et Regina parce qu'il pleut présentement. 12 degrés White Horse, 18 degrés Regina. Sinon, c'est assez ensoleillé, nuageux. On s'écartèle entre ces deux tendances un peu partout. Là, je donnerai pas toutes les températures. 18 Thunder Bay. Voilà. Alors, on salue les gens de Thunder Bay. J'ai fait une moyenne rapide. Je dirais qu'il faudrait 18,5 degrés en moyenne au Canada au moment où on se parle. Ça donne une bonne idée de la météo au moment où on se parle. Et on a reçu également, il y a trois personnes qui nous ont écrit pour la circulation. Malheureusement, là, on était sérieux. Je sais qu'on a un ton badin qui ne prête badin, pas à la sériosité. En Gaspésie. Mais non, il y a trois. Il y a Jérôme L. Boucher qui dit « Il y a une voiture qui vient de passer sur la rue Taché à Saint-Pascal-de-Kamouraska, une première depuis 1832. Franchement, c'était pas nécessaire. » D'ailleurs, ça fait répondre sur les médias sociaux d'être un petit peu plus digne. Il y a Luc de Québec. Il y a encore un malade qui a fait un stop en face de chez nous. Alors, c'est Québec, hein, ça doit être un gauchiste. Et il y a Simon, une octogénaire en fauteuil motorisé est en panne dans l'accotement sur la route 131 à Saint-Félix-de-Valois. Ralentissement à prévoir, soyez prudents. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais vraiment, on a fait cet appel-là et on veut faire un mea culpa également parce que la semaine passée, on avait inauguré ce segment en disant qu'on innovait, mais il paraît que non. Et là, il y a d'autres personnes qui font de la circulation. Il y a un auditeur courroucé qui nous a écrit que Marie-France Vazot, à ses débuts, faisait ça. Demandez aux gens de lui écrire pour dire la circulation. Et là, il voulait qu'on s'excuse, qu'on l'invite un samedi et tout. Et franchement, on va pas aller jusque-là. Là. Mais on s'excuse, on l'écoutait pas à cette époque, je pense, tout simplement. Mais je pense que c'était même avant Radio-Canada. C'est avant Indicatif Présent. Il faudrait fouiller dans les archives, dans la voûte, mais j'ai perdu la combinaison pour ouvrir. Merci, Fred. Alors voilà, ouais. Toujours est-il qu'à Saint-Lucien, dernière information, la circulation est très tranquille ce soir. Il doit pas avoir de festival country ce week-end. Ah, ben voilà. C'est l'information que j'ai. Je vous remercie énormément. Est-ce qu'on passe à notre deuxième invité, Fred? Oui! Et l'une des plumes les plus acérées du Québec, sa pièce Being at Home with Claude sera reprise cet automne à Montréal. Accueillons M. René Daniel Dubois! Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je pourrais commencer par un conseil? J'ai écouté le premier segment. Allez-y. Si jamais vous cherchez un autre titre, ça va finir dans le sang, ce serait pas mal. Ah! Ah oui, vous trouvez? Du ça comme ça. Puis en plus, ça nous amène à notre sujet, j'ai écrit une pièce là-dessus. Ah! C'est vrai! En fait, ça commence dans le sang dans le cas de ma pièce, mais bon. Okay. Mais il y a toujours aussi, du sang. C'est subtil, comment? comment vous avez fait ça tantôt, le Roy Dupuis vient de Capus Christi. Ah, c'est ça, Capus Christi. Roy Dupuis qui joue dans votre film de Jean-Louis. Alors là, c'était impressionnant d'entendre ça. Ah, mais c'est notre métier de faire des liens. T'sais, les gens sont impressionnés. Oui. René, ils disent des liens dessus. Oui, on est formés pour ça. Le mot sera sur le site. Et ça va se poursuivre dans le sang. Ah, mais je peux pas croire que. Vous savez que quand on a su qu'on allait recevoir René Daniel Dubois, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit: Mon Dieu, vous savez, il n'est pas facile d'interviewer René Daniel. Hein? Puis je me suis dit: Voyons donc, c'est une légende, cette affaire-là. Et j'ai même pas posé une question encore. C'est extraordinaire. On a 2 minutes de fête. Moi, je crois pas ça. Ben, j'en m'ai jamais dit ça. En tout cas, c'est plutôt le contraire. Le problème, c'est pas de me partir, c'est de m'arrêter. Non, c'est ça, l'histoire. Généralement. D'ailleurs, Michel hoche la tête avec une énergie belle à voir. Il m'a déjà interviewé à l'époque à Télé-Québec. Vous faisiez le petit écran à l'époque. Oui. Comment ça s'appelait? Quand vous étiez plus regardable, j'imagine. J'étais assez beau. C'est dur à croire aujourd'hui. Non, mais pour revenir à ça, je crois que c'était un chasseur d'idées. Est-ce possible? Ça se pourrait que ce soit quelque chose. J'ai jamais trouvé. Une émission confidentielle. À Télé-Québec, qu'est-ce que tu penses? Mais à laquelle on avait beaucoup de plaisir, cela étant. Bon, mais l'important, c'est d'avoir du plaisir. N'est-ce pas? Oui, bon, mais. Et essayez d'en procurer aux autres à l'occasion. Ben justement, parlons de plaisir que vous procurez aux autres. Mais il semble que dans vos pièces et dans vos livres, d'ailleurs, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de sang. Puis c'est pas bien plaisant, ça. Je me trompe-tu? Vous savez que j'ai regardé Being at Home with Claude hier. OK. Pour la première fois. En fait, je me dis pour la première fois, mais vous savez, ça fait longtemps quand même. Fait que peut-être que je l'ai écouté, mais ça me surprendrait que ma mère me l'ait laissé écouter à 10 ans. Toujours est-il que c'est bon, mais sac, c'est pas beaucoup de plaisir. C'est assez dur, mais vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà lu Phèdre, c'est pas très rigolo non plus. Non, je sais. Donc c'est un des critères qu'on peut utiliser d'une œuvre, c'est effectivement le plaisir joyeux que ça procure. Mais il y a des émotions qui sont plaisantes, qui peuvent être un peu plus lourdes et même déchirantes, en fait. et c'est le cas, je crois, de Being a Tomb with Claude. Je dois dire, j'ai un souvenir imprisable de cette pièce-là. C'est le soir de la création. D'abord, j'ai failli retirer la pièce de l'affiche. Quand le terme Ludo, à l'époque, on nous parlait d'il y a 30 ans. Hein? On est en 85, c'est ça? À la création, oui, je l'ai écrite en 84. Ça va faire 30 ans bientôt. Je dis ça, puis à chaque fois, j'hallucine. Ben oui. Parce que ça... Enfin, bon, bref. Oui, oui, non, mais ça fait longtemps. Et le soir de... Quelques jours avant la première, quand le terme Bluto, qui a créé le rôle du jeune prostitué Yves, a commencé à trouver son envol, quand tout à coup l'acteur, il a toutes ses places, il a toutes ses intentions, ouais. Mais tout à coup il se déploie, il pogne son swing, parler québécois, quand ça a parti et que j'ai vu la souffrance dans laquelle ça le mettait, je voulais retirer la pièce de l'affiche. Quelques jours avant la première, et c'est Pierre Bernard et Louise Latraverse, la direction du Quatsu, qui ont fait « Toi, tu t'assois là, puis tu fermes ta gueule. Tu nous laisses aller. » Ça a fonctionné, vous avez fermé votre gueule? Et, oui, tout à fait. Ah, mon Dieu. Tout à fait. Vous ne connaissez pas cet aspect-là quand vous m'invitez. Ouais. C'est pour que je me l'ouvre. Mais oui, il y a des grands moments où c'est fermé. C'est, ah oui, hein? Oui, je vous assure. Mais il ne fallait pas faire ça parce que le terre est tellement intense, il lit 7 jours, puis il se met à pleurer. Oui, tout à fait. Mais, et j'ai le souvenir aussi du soir de la première. Il m'avait réservé une place au fond du balcon, l'ancien Quatsu. Je ne savais pas si je serais capable d'assister à une représentation, justement à cause de l'émotion dans laquelle moi ça me mettait d'obliger des acteurs à se mettre dans cette émotion-là. Ouais, ouais. Vous voyez le genre? Et je suis sorti au bout de 5 minutes. J'ai écouté, il y avait une espèce, il y avait des classeurs dans les bureaux du Quatsu, puis il y avait une vieille boîte de son, mais vraiment en bois, avec des gros pitons. Et je me suis à côté, j'écoutais, c'était le moniteur de ce qui passait sur le plateau. J'ai écouté la pièce de là. Il y avait un tel silence dans la salle que je me disais, c'est pas vrai, ils sont tous partis. Ça bougeait, il n'y a pas un son. Et quand la pièce a fini, ça finissait avec un coup de gong, la mise en scène de Daniel Roussel terminait avec un coup de gong. Rien. Et mon Dieu, et ça finit sa pub, j'ai fait ça hier, mais qui descend d'ici, on me fait égorger. Et là, tout à coup, toute la salle a fait. Oh. En même temps, mais au bout de. 4 éternités, là, pour un auteur angoissé à côté. J'ai bu 26 onces de cognac ce soir-là. Ça va m'en apercevoir. Ça n'a pas été si pire que ça. Ça vous donne une idée. Mais non. Alors, bref, ça a l'air d'avoir procuré quelque chose. Quitte à savoir si le mot plaisir s'applique ici, je laisse ça au bon soin de qui vous devriez se prononcer sur la question. Le 26 onces de cognac ayant aidé, probablement. Mais sans effet, j'avais tellement le trac que je n'étais même pas sous. Ben oui, mon don. Oui. Ben, je me suis pas rendu compte, c'est le monsieur du bar, à la fin, qui fait « Hey, René Daniel, tu sais, pendant le show, quand je t'ai venu, t'as fait, OK, la bouteille, je l'ai ouverte pour toi, gars, et elle était vide. Je suis le seul qui n'a abri. Et aucun effet. J'étais comme une... J'appelle ça l'état bombe atomique dans un thermos. Ah, oui. Il n'y a personne qui a dévissé, une chance. Ça n'a jamais été dévissé depuis? Et je ne pense pas, non. OK, d'accord. La pièce va être au TNM à partir du 16 septembre prochain. Oui, monsieur. Ça fait 30 ans. On fête le 30e anniversaire. Et là, vous n'êtes pas pilote de cette représentation-là. Vous n'êtes pas à la mise en scène. Pas du tout. Pourquoi? Alors, parce que je l'ai monté 3 fois. Oui? Je l'ai monté 2 fois à Montréal, dont une fois avec Marc Bélan, qui cette fois-ci joue l'inspecteur. Ouais. En 87, je pense, je l'avais monté au Rideau Vert, okay. Avec Marc Bélan dans le rôle du petit gars et Guy Nadon dans le rôle de l'inspecteur, parce qu'on ne pouvait pas reprendre avec la première équipe, et puis il y avait de la demande. Fait que j'ai fait, bon, ben, coudonc, on va la faire. Alors, je l'avais monté, je vous passe les complications. Ensuite, je l'ai monté une fois à Québec, à l'Abordé, et je l'ai monté à l'Espace Go en l'an 2000, avec Patrick Goyette et Luc Chapdelaine. Et c'est parce que, comment je dirais, j'ai fait ce que j'avais à faire avec, maintenant, elle peut vivre sa vie. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que vraiment en 2000, dans la façon de la monter, que les gens aient aimé ça, ou moins, ou plus, ça, c'est pas de mes oignons, j'ai fait ce que j'avais à faire, et tout à coup, ça a fait, ah, voilà. Tous, parce que elle est sortie tellement vite, la pièce. Je l'ai écrit le temps que ça prend pour la taper. Que pour moi, ça a été comme un hit and run. Je me suis fait... Je me suis snappé moi-même, si vous voulez. Coudon, j'ai le festival de l'anglicisme ce soir. Mais c'est pas grave. Au montage, on traduit, il n'y a pas de problème. Ah ben, c'est parfait, c'est formidable. Et donc, il y avait toutes sortes de questions, il y avait toutes sortes de possibilités pour les gens qui connaissent un petit peu la pièce. Donc, la dernière heure et demie. C'est un huis clos. C'est un huis clos, c'est la dernière heure et demie de l'interrogatoire qui dure depuis 36 heures. Il y a un jeune gars qui a appelé en pleine fin de semaine de la Confédération, tout est fermé. Ça, c'est il a appelé fâchant, du palais ça. De justice. La police pour dire c'est moi qui ai tué le gars que vous avez trouvé à telle place, venez me chercher si vous voulez savoir pourquoi, il est dans le bureau d'un juge, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on ne cherche pas qui a tué, on veut savoir pourquoi, et il n'y a pas moyen d'y faire dire. Bon. Zut, j'ai perdu mon fil. Non, mais... mais moi-même, je l'ai perdu. Mais en écoutant la description, enfin, ce très court scénario télescopé, on comprend pourquoi c'est jamais Denise Filiatro qui l'a monté. Mais avec son sens, c'est un punch. Il est long à venir. Oui, mais il y en a plusieurs au long. Parce que je l'ai réentendu. Ah, oui, c'est ça. Donc, c'était pour vous dire que la pièce est sortie très vite. Oui. Et il y avait plusieurs façons de la monter. Alors, il y a une des fois où je l'ai. Par exemple, la question, est-ce qu'il était fou quand il a fait le meurtre ou est-ce qu'il est fou quand il raconte? Tu montes la pièce de façon complètement différente. Et j'ai tout essayé ces façons-là. Est-ce que vous avez la réponse de ça? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de réponse définitive. Quand vous l'avez écrit? Toutes ces réponses-là. Quand je l'ai écrit, je n'étais pas dans ces considérations-là du tout. Je l'ai écrite comme si je la prenais en dictée. Je l'ai écrite alors en 5 ou 6 soirs. J'étais à New York pour un atelier sur une autre de mes pièces. Et puis, ça faisait longtemps que je n'avais pas fini d'écrire une pièce. Enfin, longtemps, comme on trouve que ça fait longtemps quand on a 27, 28 ans. Je ne sais plus quel âge j'avais. Et donc, je me suis dit, allez, j'en fais une. Alors, le matin, j'allais dans les musées où je me promenais dans New York. L'après-midi, on répétait la lecture. Et puis, les 5 soirs, j'ai écrit la pièce. Et donc, pour moi, c'est une énigme. C'est presque comme si quelqu'un me l'avait dicté, qui avait été écrite d'avance. C'est aussi nono que ça. Quand je suis revenu à Montréal, ça m'a pris le même temps à la retaper au propre que ça m'avait pris de l'écrire au complet. Quand j'étais à New York. Christine Brouillard disait justement que pour elle, c'était une job écrire. Pour vous, c'est une révélation, c'est pas une job? C'est une quoi, vous dites? C'est un travail. C'est un travail. Travail ou une? Mais pour vous, ça a été une révélation. Vous êtes laissé aller en écrivant comme ça. Ah, mais ça a toujours été ça. Pour moi, c'est pas un boulot. On vit dans un genre de société, d'économie, où on nous dit qu'il faut gagner son pain avec l'activité principale à laquelle on se livre. Ouais. Mais pour moi, c'est un accident. Si j'avais lu la manière... J'ai essayé, de toutes sortes de manières, de gagner ma vie autrement. J'aime trop l'écriture. Pour pas avoir vous allez écrire. C'est pas un chat. C'est pas tout le monde. C'est ma vie. Okay. C'est pas la principale affaire de ma vie. C'est ma vie. C'est là que je nomme, c'est là que je reviens. Surtout, c'est là que les choses me rejoignent tout à coup. Tu as vécu quelque chose il y a 5 ans qui a juste passé. Bzzz, et tout à coup, 5 ans après, tu fais ah ben, baptême. Ça te revient parce que c'est dans le contexte de l'imaginaire de quelqu'un d'autre qui t'est apparu, un personnage. C'est pas moi. Je parle pas de moi. Je parle des choses que peut-être je partage avec certains des personnages. Généralement, les personnages en savent plus que moi, d'ailleurs, sur la plupart des questions, etc., etc. Donc, pour moi, c'est même pas une passion. C'est pas quelque chose que j'ai. C'est moi. Mais là, vous êtes speedé de même. Je ne l'étais pas tantôt, mais c'est vous autres qui m'avez mis dans cet état de mon garçon. Vous êtes arrivé speedé parce qu'il paraît que vous êtes en train d'écrire votre deuxième... Je suis arrivé calme, là, je vous écoutais tantôt faire des jobs et je me suis ramassé comme une bine mexicaine. Ah ben que vous me voyez. On est platement désolé. mais là, avant que le temps passe trop vite et qu'on n'ait pas le temps d'en parler, parlez-moi d'Yves Bolduc. Non, ce qui est formidable, j'entendais tantôt vos commentaires, les commentaires de la première partie. Oui, avec Christine. Et pour moi, ce qui me frappe le plus, d'abord, ce n'est pas un accident, ou alors c'est un accident qui se présente souvent, qui est ce genre de soi-disant lapsus, soi-disant bourde. Ben ouais. Or, un accident qui se produit souvent, ce n'est pas un accident, c'est ou bien de la négligence, ou bien de la malveillance. Hein? Ah bon. Ouais. Et ça se présente. Alors, un de mes exemples, j'en ai toute une trolley qui, généralement, me faisait sauter au plafond. Celle de M. Bolduc m'a fait éclater de rire. Ah, ben ça, c'est le fun, ça, quand même. Parce que c'est du plaisir. C'est une sorte assez inusité de... c'est qu'il y en a eu plein. Je me souviens, pour moi, vraiment, l'exemple marquant, c'est en 1990, dans la revue L'Actualité, pendant l'été, il y avait eu un portrait de Claude Rayun, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, dont son fils disait « Mon père n'a jamais ouvert un roman, il ne comprend pas qu'on puisse s'intéresser à ça, son seul péché, c'est le baseball. » Mais ça, c'était le portrait d'un ministre de l'Éducation supérieure. Il lisait les cartes de baseball. Ouais, attention, il lisait des essais quand même. C'était pas un illettré, Claude Rayun, je pense. Oui, mais peut-être qu'il n'a pas la fiction. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, il comprend pas. Moi, c'était le « à ça » qu'il peut s'intéresser à ça. Mais c'est un peu le rapport qu'on a beaucoup avec la culture dans certains milieux québécois. Mais à ce sujet, je fais une confidence, une confession. Je vous ai déjà entendu, je ne sais pas si vous faites encore ça, une conférence à l'université. J'ai déjà fréquenté les bancs universitaires de façon médiocre. Vous étiez en sciences politiques? J'étais en sciences politiques. Wow, dans les cours de Thierry Henge? Voilà, tout à fait. Regretté, Thierry Henge. Et vous étiez venu déconstruire le langage nationaliste québécois. Oui, moi, ça m'avait rentré dedans, là, mais d'une façon incroyable. J'étais pas content. Après ça, on décante. OK, donc c'était pas un plaisir? Non, c'était pas un plaisir. mais j'étais allé, on avait continué la discussion avec plusieurs étudiants. Et vous parliez des liens avec la droite québécoise, la Deuxième Guerre mondiale et Franco. On finançait la campagne. Oui, il y en a. C'était hallucinant. Est-ce que vous donnez encore ces conférences-là? Beaucoup moins. Beaucoup moins. Pour une des raisons principales étant que mon but premier, j'ai jamais pensé détenir la vérité. Donc mon but n'était pas de faire partager aux gens. C'était de brasser à cage. Non, même pas. C'était de réfléchir à haute voix. Ce sont des sujets dont, dans la vie courante, personne ne veut jamais parler. Or, moi, ils me sautent d'en face. Donc, j'avais trouvé ce truc-là pour pouvoir en parler et m'entendre dire ce que je pensais. Puis aller au bout. Mais parce qu'il n'y a pas moyen dans ce C'était hallucinant, vraiment. Là, c'est le seul souvenir que je garde à l'université. Sincèrement, oui. Oui, je me suis fait bien des amis dans le corps professoral, parce que souvent les étudiants venaient me dire, les profs étaient juste là en arrière, puis ils me disaient, vous savez, j'en ai appris plus à 3 heures, en 3 heures le matin que depuis 2 ans que j'ai à l'université. Vous auriez dû voir la face des profs qui déjà trouvaient que j'étais un corps rapporté dans leur beau milieu. Mon cher. Hey, mon Dieu, puis là, l'entrevue se termine, mais j'avais tellement envie de parler de nationalisme parce que je regardais mon vote. Mais c'est pas nécessaire. Ah, mais pourtant, je voyais que vous aviez voté non, vous, en 95, et je me demandais, j'ai annulé. J'ai déclaré que j'allais dessiner des petits lapins qui forniquent. Puis? Et il y a des gens, d'ailleurs, plein de gens qui m'ont envoyé des croquis, qui m'ont proposé des manières de le faire. Et c'est ce que je fis. Donc, vous n'avez pas voté oui. Donc, j'ai pas voté oui, mais c'est justement... Pour moi, le problème, c'est pas sur le nationalisme, pas national. Ouais. L'idée, c'est que si tu n'as pas voté oui, c'est que tu es pour le non. Donc, regardez, le monde, ça ne sépare pas de même. On peut-tu lâcher à tarte une minute, s'il vous plaît? C'est pas simple de même. Il y a d'autres façons de voir le monde que de dire tu es pour le oui ou tu es pour le non. Peut-être que la question était mal posée. Peut-être que la question était mal posée. Avez-vous envie de voir un petit lapin qui... Peut-être. Mais, tu sais, par exemple, sur l'éducation, parce que, comment, tu sais, on a beaucoup parlé, le nationalisme et puis la langue, mais l'éducation, là, comment ça se fait qu'on a encore des ministres qui disent des bêtises pareilles, puis ça passe, Non, j'avoue. Mais ça n'a pas passé, on est revenu là-dessus. Et encore, oui, on en parle, là. Oui, mais je crois que le problème n'est pas de le penser, le problème, c'est de le dire. On a le droit de le penser, je pense qu'il y a beaucoup de politiciens qui le pensent. Le problème, c'est que si tu le dis, ça regarde mal. Donc, après ça, tu t'excuses. Mais il n'arrête pas de le penser pour autant. Là, non, d'ailleurs, un petit mot là-dessus pour préciser. M. Bolduc s'est excusé, mais il n'a jamais dit qu'il avait été mal cité. Mm-hmm. Il dit, j'ai dit une affaire, genre, qui ne vous a pas fait plaisir, mais je l'ai dite. Oui. Et après ça, il nous a sorti son histoire d'avoir été soumis à la lecture. Ça, c'est une autre affaire. Donc, c'est deux fois plus grave. Excusez-moi. Et notez ceci, parce que ça va se reproduire de votre vie. Vous pouvez être sûr de ça. Vous êtes certain de ça? Il y a plein de monde qui le pense. Il faut juste pas en parler, ça regarde mal. Les gens des relations publiques veulent pas que t'en parles. Fait que ferme ta gueule sur le sujet. Mais entre eux autres, d'un party à Outremont, gars, puis à Sainte-Foy, pas de problème. Mais regardez bien qu'il n'y a jamais personne qui va définir ce que ce serait assez de livres dans une bibliothèque. Ni dans les bibliothèques municipales, ni dans les bibliothèques à la Bibliothèque nationale, ou dans les bibliothèques scolaires. Donc, on reste toujours dans les impressions. C'est-tu pas fait de dire une affaire de même? On peut-tu s'asseoir puis dire ce qu'on veut comme bibliothèque? Ouais. Je pense qu'on a la réponse est non, on veut pas. Ça fait 30 ans que je gueule. Ça fait 30 ans que le monde, quand ils disent des enneries pareilles, ils disent « Excusez-moi, j'ai mangé mes bottines le matin. » Et ça fait 30 ans que la discussion n'a jamais lieu. Ouais. Et ça continue. Puis il va y en avoir d'autres. Le prochain s'appellera « Wimette » ou « La fortune », mon tabarnak. Mais il va y en avoir d'autres. Parce que c'est ce qu'ils pensent. C'est inutile, ça rapporte-tu de l'argent, ces maudites affaires-là? Ça rapporte pas d'argent, fermez-les. Bon, merci beaucoup. Merci. Parle-moi de ça, c'est une belle fin d'entrevue. Vous restez avec nous, Michel Marc-Bouchard. Hein? Michel Marc-Bouchard. Pourquoi vous appelez Michel Marc-Bouchard? Parce qu'en fait, ce sont les feluettes que j'ai écrites. Mais là, vous m'avez invité ici sous un prétexte fallacieux. Bingato, et aussitôt que le micro... Là, vous allez éteindre mon micro, mais aussitôt que vous allez l'allumer, watchez bien la crise que je vous fais. C'est bon. Pour vrai? Après la chanson. Ben, c'est le temps de la chanson. Michel-Marc Dubois, merci. René Richard. On parlait René de... Richard René Richard Dubois. Oui. Juste prendre des notes, René J'espère Richard Dubois. J'espère qu'elle est bonne, la chanson. Oui, non, pas pire. Oui, oui, c'est... c'est MC Solar. Parce qu'on parlait d'intimidation avec Étienne Barrette. Puis, tu sais, la semaine dernière, on avait mis du rap francophone. Ouais. On avait oublié un peu MC Solar, comment il était extraordinaire. Je me suis remis à écouter MC Solar. Mais je dis remis, j'en écoutais pas à l'époque. J'ai dit, je vais écouter ça. Et mon fils adore. Alors, c'est Victime de la mode qu'on vous offre pour prendre une petite pause de René Daniel Michel Dubois Bouchard. Soir est encore jeune sur les ondes de Ici Première, une émission qui se baigne jamais sans son haut de bikini. Avec Olivier Niquette? Oui, on va parler ping-pong. Non, c'est pas vrai. Non. Non, mais je voudrais, en commençant, je voudrais vous dire qu'il y a une chicane en ce moment sur Twitter, là, un tweet fight, comme on appelle, entre Pierre Trudel et Jeff Fillion, Pierre Trudel, chroniqueur sportif, à propos des deux joueurs québécois qui vont jouer dans la NFL cette année. C'est vraiment passionnant, je vous invite à aller voir ça. Les deux joueurs québécois qui vont jouer dans la NFL. Dans oui, NFL, on a appris ça aujourd'hui, le joueur de ligne avec Kansas City. Ouais. Oui, et David Foucault avec les Panthers de la Caroline. Bon. Eh bien, parlez-nous de sport, Olivier, pour vrai. Là. Les Alouettes ont gagné hier soir leur deuxième victoire cette saison. Ah, les gens sont en liesse oui, ici. Oui. Là. Oui. Ils testaient encore une fois un nouveau carrière. Il testait un nouveau carrière arrière. Ouais. Jonathan Crompton, un gars qui a fait partie de 4 équipes de la NFL sans jamais jouer un seul match. Victoire de 20-10 contre le Rouge et Noir d'Ottawa, la seule équipe qui était plus poche qu'eux, en fait, mais c'est une équipe d'expansion, donc ils ont une excuse, contrairement aux Alouettes. Ce qui m'amène au gros sujet cette semaine, les rumeurs d'expansion dans la Ligue nationale de hockey dans 4 villes, c'est-à-dire Québec, Las Vegas, Seattle et Toronto, qui accueilleraient une deuxième équipe parce que vous savez, Toronto s'est rendu big, comme l'explique Régent Tremblay. Montréal, ce qu'on a de plus fort, nous autres, c'est les saccages d'hôtels de ville. À part ça, là, à côté de Toronto, c'est plus la même game. Je sais pas où Régent était quand le maire Rob Ford a presque écrasé une madame à l'hôtel de ville de Toronto. Mais en tout cas, de toute façon, ça a commencé cette histoire-là suite à un article dans le journal The Province en Colombie-Britannique où on assurait qu'il y aurait une expansion à Las Vegas. Jusque-là, ça va, le journaliste semblait avoir des sources sûres. Mais un autre journaliste a ajouté par la suite les autres villes. Évidemment, on en a parlé toute la semaine, surtout à Québec où tout le monde capote, là, jusqu'à temps que l'auteur du tweet en question explique que c'était juste une hypothèse qu'il avait lancée comme ça pour le fun. Ça n'a pas empêché le Journal de Montréal de faire encore 4 pages là-dessus ce matin. Mais bon, c'est Québécois dit amphithéâtre, qui dit amphithéâtre dit nordique, qui dit nordique dit du pain et des jeux. Mais de toute façon, on va pas se compter d'histoire. Las Vegas et Québec sont déjà en train de se construire des amphithéâtres. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. Ou comme dirait Mario Tremblay... Ces villes-là, on ne construit pas des arénas à coût de 350 millions pour ne pas savoir si Anguille sous roche, si dans quelques années, ils ont une chance d'avoir une franchise. C'est quand même bien dit, ça. Ils ne doivent pas savoir qu'il y a Anguille sous roche, surtout s'il y a eu des études environnementales. En tout cas, je pense que ça perpétuerait la tradition quand même. Les Nordiques ont été mauvais pendant 20 ans, puis avec une équipe d'expansion, ben, ils seraient encore mauvais pendant 20 ans. Toujours dans le monde du hockey et le monde du Mario Tremblay, il y a Niklas Lidström, l'ancien défenseur des Red Wings, qui a décliné une offre pour devenir entraîneur adjoint de Mike Babcock. Et Mario Tremblay n'a pas été surpris qu'on offre le poste à Lidström. Je pense que ça a été une bonne idée de la part de Mike Babcock, parce que quand même, le lauréat qui est autour de Lidström, c'est quand même... N'oubliez pas, là, Lidström a gagné 4 Coupes Stanley. Selon mes sources, une auréa, c'est comme un mélange d'aura et d'auréole. En fait, c'est une auréole avec une auréa par-dessus. Ça ressemble un peu à un abat-jour, dans le fond. Ah, d'accord, merci. Sinon, au soccer, l'Impact affronte ce soir le Crew de Columbus au Stade Saputo à Montréal. Le Crew est sur une lancée. Ils ont marqué 9 buts à ses 3 derniers matchs. Et c'est l'Impact, bon, ça? Au soccer, c'est énorme. Ah, OK, d'accord. Et l'Impact a le deuxième plus haut total de buts contre la Ligue, donc ma prédiction, 3-0 Columbus. au tennis, à Flushing Meadows, j'ai toujours rêvé de dire ça, le Canadien Miloš Raonic affrontait Victor Estrella Burgos ce midi et l'a emporté 3-7, 7-6, 7-6, 7-6, c'était serré, je pense. Mais trois fois en bris d'égalité, c'est... il a du nerf. Oui, il avait un beau chandail aussi, jaune fluo. Prochain adversaire. Vous êtes superficiel. Profondeur. C'est comme ça, Michel. Juste après l'émission, d'ailleurs, ouais. À 19h, c'est Eugénie Bouchard qui affrontera Barbora Zrazova Srikova en troisième ronde du tournoi. Je vous donne pas les résultats. Je vous donne, en fait, les résultats demain si vous les avez pas déjà vus à 10 000 places. Et je pense qu'on a le temps pour une petite pensée de Michel Baudry. Apprenez à sortir des trappes de sable en consultant votre site Wedge. Oh, excellent! Une petite blague de golf! Excellent! Merci beaucoup, Olivier. Ça va être tout le temps comme ça à chaque... Non. OK, d'accord. Eh bien, c'est le moment de notre segment légendaire à l'émission, hein, qui est devenu déjà une légende après une seule fois. C'est le vu, pas vu. Alors, je vous explique, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est le moment de l'émission où deux personnes nous critiquent un événement culturel qu'ils ont vu ou pas. Pendant la semaine. Alors, cette semaine, évidemment, si on se rappelle, la semaine passée, c'était sur le film 1987. Oui. Alors, l'idée, évidemment, c'est que deux personnes discutent et débattent du film 1987. Il y en a un qui l'a vraiment vu, et l'autre ne l'a pas vu, il ne lui que les communiqués. On essaie de savoir si on est capable de parler intelligemment de quelque chose d'une œuvre culturelle sans l'avoir vu, ce que bien des chroniqueurs font, je crois. Alors, la semaine... Ben, mon ancien collègue Robert Fauzi avait été cité dans la presse en disant « C'est pas parce que je l'ai pas vu que je peux pas vous en parler. » La semaine dernière, il y a un ministre de la Culture qui avait dit « Oui, oui, je l'ai lu, pas personnellement, mais je l'ai lu. » Faut toujours ramener ça à nous. Hein. La semaine dernière, c'est Jean-Sébastien qui a mystifié les gens ici. Ben les gens pensaient qu'ils avaient vraiment vu le film 1987, alors que moi, je l'avais vu. Et vous avez inventé une chanson à la fin. Oui, carrément. C'est ça, chanson, ça fait j'ai inventé un nom de chanson, un nom de groupe. Et là, moi qui étais incapable d'en nommer une, ça m'a pas la musique ne m'a pas marqué dans ce film-là, pourtant. J'ai fait de la chronique culturelle longtemps, donc je peux dire à peu près n'importe quoi maintenant. Restez-tu un communiqué de presse? Toujours. Voilà. Oui. mais parlez de votre vie dans le mensonge. Oui. Là. Ben, parlez-en de votre vie dans le mensonge. Je voulais savoir ce qu'on a vu cette semaine. Non! De votre anecdote avec votre mère, on s'est pratiqué deux minutes. Mon Dieu! Non, mais c'est pour vous dire que dans la vie, effectivement, quand on ment, on dit qu'on finit par croire à ses mensonges. Donc, pendant toute la semaine dernière, je répétais ma fausse chronique à propos de 1987. Et là, ma mère me téléphonait aujourd'hui pour me dire « Demain matin, je vais voir 1987. S'attends-tu de venir le voir avec moi? » Et j'ai dit « Ben non, voyons, je l'ai vu. Je l'ai pas vu. J'étais convaincu que j'avais vu ce film-là et qu'on devait aller voir un autre film. » Bon, ben c'est génial. Alors, cette semaine, vous avez donné un conseil. Essayez ça en histoire. Il y a eu une époque, il y a eu une rue Kerb à Outremont, par exemple. Pendant des années, comme les gens connaissent à peu près rien de l'histoire du Québec, j'ai expliqué aux gens qu'il ne fallait pas dire Kerb baptême, il fallait dire Querbès. C'est le seul gouverneur espagnol qui a eu en Nouvelle-France. Et c'est pendant. À un moment, vous savez, quand Frontenac a dit je vous répondrai par la bouche de mes canons. Bon, c'était les Anglais ont pris Québec. Après ça, c'est revenu en France. Mais il y a eu un interlude où le pape avait nommé un gouverneur espagnol. Les gens m'écoutaient, je ne savais pas ça. Ça a roulé pendant des années. Le fameux Francesco Querbès. Outremonte. Outremonte, voyons. Alors, cette semaine, vous avez vu ou pas la série documentaire 281, Les dieux de la scène. Oui. Ça, c'est à moi et compagnie, que je n'ai pas malheureusement dans mon forfait dans câblé. Forfait. Ça raconte les coulisses d'un club de go-go boy. Et c'est Olivier Niquette et Jean-Sébastien Girard qui l'ont vu ou pas. Alors, on commence avec Jean-Sébastien. Est-ce que c'était bon? Moi, je n'ai pas aimé ça. Ah, d'accord. Bon. Voilà. Non, en fait, effectivement, donc, il faut avoir moi et compagnie. J'avais pas ça, moi non plus. Donc, j'ai dû annuler RDS à la place. C'est vraiment ce que j'ai fait. Donc, moi et compagnie, donc, j'ai bisouné un peu sur cette chaîne-là cette semaine. Beaucoup de choses intéressantes, entre autres. Le terme est joli. Oui, donc, on va mettre le terme sur. Je suis très, très chou. Donc, on voit sur ce poste-là, entre autres, des reprises de Deux filles le matin, des mauvaises entrevues menées par Mitsou et la saison 3 de Terreur chez le coiffeur, pour vrai. Et cette série, donc, 281. Gros battage médiatique autour de cette série-là. Hugo Dumas en a parlé, je pense, 4 fois durant l'année, pendant le tournage, au moment des pré-papiers, au moment de la critique. Au montage. Donc, au montage. Les attentes étaient élevées à propos de cette série-là. La pognez-vous. Une mais a priori. Donc, effectivement, on en a beaucoup parlé. Moi, j'étais un peu sceptique. Je me disais, est-ce qu'on a vraiment besoin encore d'un documentaire sur le 281? J'ai l'impression qu'on en voit un par année. Ben, à chaque fois parler émission... pour vous. Ben non, mais à chaque fois qu'une émission va être un petit peu... À chaque fois qu'une émission va être un petit peu edgy, coquine, on fait un documentaire sur le sujet. Ouais. Canal D, en 2010, a présenté un reportage sur la chose en question. Alors, je me disais, il faut trouver une twist différente pour être capable d'être pertinent aujourd'hui encore avec ce sujet-là. À mon sens, cette twist-là n'a malheureusement pas été trouvée parce qu'on apprend à peu près rien. Donc, en substance, qu'on trouve, donc, c'est un petit peu la vie et l'œuvre de 6 des 18 danseurs de 81. Mm-hmm. C'est beaucoup et surtout aussi, comme personnage principal, la patronne, Annie Delisle, qui fascine un peu les médias. Elle est tout le temps dans les entrevues. On aime beaucoup sa façon de diriger un peu au fouet les danseurs. Elle les traite un petit peu comme des enfants. Il ne faut quand même pas les abîmer. Là. C'est ouais, non, non. Ouais, mais elle insiste beaucoup pour leur dire vous allez perdre du poids, vous allez devenir plus musclé, vous allez devenir plus rond. Ça me semble simple, ça. Oui, ça me semble très, très simple. Donc, il y a une espèce de malaise. Maintenant, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'est-ce qui étonne là-dedans? Pas grand-chose. Un montage un peu classique, des entrevues un peu convenues. Par exemple, on pose la question est-ce qu'il faut être un peu exhibitionniste pour faire ce métier-là? Ah, quelle bonne question! Bon, évidemment. Donc, tout ça est un petit peu convenu, on n'apprend rien. Je ne sais pas si vous avez appris quelque chose, Olivier. Ben oui, quand même, un petit peu, parce que ce n'est pas un milieu que je connais beaucoup. Non, mais moi, j'ai pas haï ça, mais j'avais pas beaucoup, j'avais pas des très hautes attentes. Puis, j'étais quand même ouvert, parce que moi, j'avoue, des fois, j'aime ça regarder un peu la télé-réalité. Puis ça, ils appellent ça un docu-réalité. Mm-hmm. Ouais, c'est plus télé-réalité. On est loin du documentaire, quand même. C'est pas mal plus un prétexte pour montrer des beaux gars en bédaine. quand même. Oui, t'sais, mais c'est pas, à, c'est pas du Pierre Perrault. Il y a pudeur, là, quand même. On voit pas. Oui, c'est ça, parce que c'est quand même 2,81 qui... le 2,81 qui travaille là-dessus, puis ils ont une image à préserver. Donc, ouais, probablement qu'ils ont, ils ont leur mot à dire dans, dans la production, puis ça paraît quand même, là. Mais t'sais, on est loin du documentaire. mais quand même... Oui. C'est, j'ai lu par la suite, c'est un réalisateur d'Occupation double qui a réalisé ça. Ah ben tout est dans tout. Oui, hein. Mais il est quand même pas pire pour... parce que les téléréalités, il faut quand même que les gens posent... Tu sais, il faut que le réalisateur il fasse ressortir de l'information de ces personnes-là qui sont des quidames, qui sont pas habitués à faire ce genre de truc. Il y en a qui les connaissent bien. C'est-à-dire? Ben, je sais pas, Jean-Sébastien avait l'air de voir ça chaque année, un documentaire sur le documentaire. Je parle de la télé-réalité en général. Ah, okay, c'est quand même un bon réalisateur, puis je pense qu'il y a quand même des témoignages intéressants là-dedans, même si c'est assez soft, on ne va pas dans la profondeur, dans les drames de ces personnes-là. Ben ouais, mais j'imagine, tu es un danseur à gogo, tu ne dois pas avoir la vie facile là, pour te ramasser là. Ben, en fait, je suis un peu d'accord avec Olivier, mais justement, moi, ça marque un malaise, cette espèce de glamorisation de ce métier-là. On a choisi, parce que j'imagine effectivement qu'on n'avait pas le choix, on a choisi comme les huit plus articulés, ceux qui ont l'air à trouver ça absolument sympathique, qui trouvent que c'est le meilleur métier au monde. Et on dirait qu'on assiste à une espèce de documentaire sur une équipe olympique. Tout le monde est heureux, tout le monde est comme absolument fasciné par ce métier-là. Moi, j'ai un malaise aussi par la bosse, et effectivement, qui n'arrête pas de nous dire, hey, là, les petits gars, je vais vous payer un entraîneur, vous allez perdre du poids, vous allez devenir plus beau, vous allez exciter les madames. D'ailleurs, les madames, c'est ce qu'il y a de plus impressionnant là-dedans. Ils virent complètement folle. Je ne sais pas, vous, quand vous allez aux danseuses, Jean-Philippe, je pense pas que vous ne criez pas comme ça, « Ah, des filles tout nues! » Non. Catherine Perrin, c'est personnel. Catherine Perrin a reçu la directrice du 2,81 à son émission. À Médium Large, oui. Oui, à Médium Large. Je lui ai dit, vous n'êtes pas un peu mal à l'aise avec le concept d'homme-objet? Si on imagine un petit peu l'inverse, si c'était une télé-réalité avec huit danseuses qu'on suivait, avec un homme patron qui essayait... Bon, évidemment, là, on peut dire que ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a tout un débat bien délicat. Sauf que, quand même, la patronne a dit, vous savez, si c'est des hommes-objets, ils s'en plaignent pas. Moi, j'ai un malaise avec ce discours-là, quand même, pour vrai. OK, bon, là, il faut faire le tour de table rapidement. Qui a vu ou pas le 2,81, le documentaire sur ce club de danseurs? Je fais un tour rapidement, Fred. Olivier l'a vu, je suis à peu près certain. Ouais, moi aussi. Jean-Sébastien ne parle que de l'entrevue. J'ai entendu, moi aussi, j'aurais fait le même type de pas vu. Ouais. Alors, est-ce que Jean-Sébastien Girard ou Olivier Niquette a vu ou pas? Qui a pas vu ou pas le documentaire de 81? Moi, je pense que c'est Jean-Sébastien parce qu'il en parle de façon trop érudite pour connaître son sujet. Oui, vous aussi, d'ailleurs. Ouais. Mais, Jean-Sébastien, il se met dans ses chiffres. Un coup, c'est 6 danseurs. Après ça, c'est 8 danseurs. Ouais, ouais, bon point! Et dans les choux total. Ah, ouais. René Daniel. Je n'en ai pas la moindre idée. Ah, je suis très, très franc ici. Je n'en ai pas la moindre idée. Je vais vous dire rapidement. J'aurais plus l'impression que c'est Jean-Sébastien qui l'a vu, mais... Il est bon. C'est homéopathique. Ah ouais. OK, alors je demande à la foule, qui croit que c'est Jean-Sébastien Girard qui n'a pas vu la série... Hein? Mais non, écoutez, qui n'a pas vu, là. Je pose la question. Qui croit que c'est Jean-Sébastien Girard qui n'a pas vu le documentaire de 80? Applaudissez, s'il vous plaît. OK? Et qui... Et qui croit que c'est Olivier Niquette qui n'a pas vu la série de 81? Ah! Encore une fois. Mais je pense que la majorité, c'est Jean-Sébastien. Alors, qui... n'a pas vu le documentaire de 81? C'est moi. Ah! Olivier. Mon Dieu, mais Olivier. J'ai pas ça, moi et compagnie. Mais non, mais ça... Moi, je l'ai, mais je vais l'annuler ce soir. Je vais reprendre RDS, je pense. Ah, c'est vrai? Ouais. Mon Dieu, Jean-Sébastien, est-ce que c'était bon pour vrai? Non, c'était pas bon. J'ai dit tout ce que j'en pensais, effectivement. Je trouve que c'est extrêmement convenu. Mais, on l'a déjà vu mille fois, ce reportage-là. Non, on n'apprend rien. Ce qui serait intéressant, tu parlais du fait qu'il faudrait leur prendre une langue intéressante. Ce serait celui du body language. Parce qu'effectivement, ce ne sont pas des verbaux, ils ne sont pas forts sur les dissertations. Non, non, c'est sûr. Mais ça peut être sur tout ce qu'on peut exprimer avec son corps. Ouais. Ah. Mais le public, c'est ces femmes-là qui sont là une fois par semaine, j'aurais aimé les entendre. Évidemment, c'est le premier reportage d'une série, donc il y aura peut-être autre chose, mais pour l'instant, on n'apprend rien. Moi, j'ai flanché pour Olivier quand il me parlait des madames qui regardaient les danseurs. Je me suis dit, là, il l'a vraiment vu. Parce que peut-être. Avant, je n'étais pas sûr. Ben oui, non, c'est ça, il y a peut-être ça. Fred, les spectacles au Canada, qu'est-ce qu'on regarde en fin de semaine? Ça, c'est très important. Oui, l'émission de service, il y a les Pointer Sisters, Jean-Sébastien, à la scène West Jet de l'amphithéâtre de Pierre. C'est un vrai groupe, c'est des vraies sœurs en passant, Julianita, Bonnie Root. Ils ont donné des succès comme I'm So Excited, Jam, Neutron Dance dans le film The Flick de Beverly Hills, ça ne dit rien à personne. Et en 86, ils ont collaboré à l'album de Bruce Willis. Vous savez que Bruce Willis a déjà fait un album? Non, ça, j'en avais pas la moindre idée. La chanson. C'est vrai? Ça s'appelait Respect Yourself. Je crois que l'album s'intitulait The Return of Bruno. Tu s'inventais un personnage. Est-ce mais... que c'était bon? Ben oui, ça a eu un certain succès. Ah oui, ouais. Mon Dieu, je vais aller voir lundi, à la même salle, on aura le groupe canadien Glass Tiger, légende du rock à l'érable. On pensait qu'il n'existait plus, mais comme on dit la chanson, Don't Forget Me When I'm Gone. Mardi, Melissa Etheridge, icône du rock lesbien, sera à l'auditorium Centre d'Alberta Jubilee de Calgary. Voilà. André-Philippe Gagnon sera à l'Avalon Ballroom Theater de Niagara Falls. Alors, du saxophone en imitation en anglais, c'est toujours bon. Et vendredi, à Québec, au Nouveau Colisée, on présente Thick as a Brick, gros hommage à Jethro Tull, 2 heures de barbe et de flûte à bec, de flûte traversière pour vos oreilles. Alors, ce sont les spectacles au Canada qui ont attiré mon attention. Imaginez le reste. Merci beaucoup, Fred. Il faudrait peut-être parler du spectacle qui s'en vient là, au TNM le 16 septembre. On en parlera le 16 septembre. On en parlera. Ah, c'est parfait. Génial. Alors, avant de se quitter, Jean-Sébastien, vous avez des questions pour René-Daniel Dubois ou pour Michel-Marc Bouchard? Non, absolument pas. J'ai envie d'y aller aujourd'hui. Un nouveau segment qui va s'appeler Les écrits restent. Donc, ce que je fais, c'est que je fouille dans les archives, dans des revues à Potin, où nos invités ont accordé des entrevues il y a 10, 20, 15, 30, 40 ans. Et je leur pose aujourd'hui ces questions-là. Et je veux voir si ils se souviennent un peu de ce qu'ils ont répondu. Alors, je vais faire avec vous, Michel Desautels. Il y a des perles que j'ai trouvées dans la voûte de Radio-Canada. Uh-huh. Alors, dans le lundi 30 octobre 1993, on vous a posé vraiment, et pour vrai, cette question-là, j'invente rien, ça dit, selon vous, quelle est la lettre la plus masculine de l'alphabet? On vous a vraiment posé cette question-là dans le lundi, et vous avez consenti à y répondre. Oui, qu'on me l'ait posé, ça va, mais que j'ai répondu. Ouais, ça, c'est ça. Vous avez répondu quoi? Le I. Pourquoi le I? Ben, ça se tient bien droit, là, dans les meilleurs des cas. Oui. Alors... Vous aviez encore autant d'esprit, mais vous aviez répondu le W parce qu'il a toujours les pattes en l'air. Ah, franchement! C'est vraiment ce que vous aviez répondu. J'étais fou, hein? Ouais. Est-ce qu'on a le temps pour une autre? Oui, une rapide. Oui, 7 jours, 10 décembre 2005. À l'extérieur du travail, à quoi occupez-vous essentiellement votre temps? En 2005? Oui, 2005. Je sais pas. Votre réponse textuellement, je passe énormément de temps avec ma grosse jument que je monte 5 fois par semaine. Ouais. J'étais pas juste fou, j'étais en forme. Il y a une continuité avec le W. Hein. Oh mon Dieu, que c'est bon ça. Ah, peut-être une petite dernière. Mais mon Dieu, mais vous reconnaissez cette sirène? C'est la blague du jour! C'est la blague du jour, invariablement, quand on entend cette sonnerie. Je fais une petite blague. Ah, mon Puisque Dieu. Nous sommes une émission d'humour, alors la blague cette semaine va comme suit. C'est une femme qui s'en va chez le médecin. Le médecin dit « Madame, j'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle pour vous. » La femme avait bien commencé par la mauvaise. Il dit « Ma pauvre madame, on va devoir vous couper les deux jambes. » Ça, c'est la mauvaise, ça. Oui, ah, le tableau, Dieu. C'est pas une bien bonne nouvelle. Mais non. Fait que là, la madame, elle dit « Ben, ça va être quoi, la bonne nouvelle? Ouais. » Fait que le docteur, il répond, on a trouvé un acheteur pour vos pantoufles. Ah! Wow. Il y a une blessure, là. Michel, le service public est bien, est bien bas. Hein? Combien il faut de psychanalystes pour changer un ampoule électrique? Combien? Juste un, mais il faut que l'ampoule veuille changer. Oh mon Dieu, la belle fin d'émission. On s'aime pas pareil. Mais non, venez nous écouter demain. Demain, on a qui comme invité? On a Macha Limonji. Anne-Marie Wittenshaw. Et on va avoir aussi Marc-André Lucier pour nous parler d'extrêmement bons films comme La vie d'Adèle, par exemple. Ça va être bon. Merci à nous. Allez-vous revenir de ce film-là? Non, j'en reviendrai pas. J'ai assez haï ça. Merci à René Daniel d'être venu nous voir. Vous revenez quand vous voulez. Merci pour l'invitation. Ben, cool. Et on vous réinvite. Michel, vous allez peut-être revenir si on vous réinvite, mais il n'y a rien de moins sûr. C'est comme vous voulez. Vous lirez vos courriels ce soir. Merci beaucoup, Michel. Alors, tout le monde, on se revoit demain. Merci évidemment à toute l'équipe. Et on est de retour dimanche à 17h. Bonne soirée. Bye bye.